de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une fois de plus, nous allons, sinon voir, du moins entendre, s'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Une fois de plus, nous allons suivre comment toutes ces choses-là sont arrivées et vérifier que des plans mal combinés retombent sur la tête de leurs inventeurs. Une fois de plus, ou qui sait, pour la première fois, nous allons demander à l'esprit d'où il vient aux alentours de minuit et ce qu'il amène avec lui, la brise du ciel ou la puanteur de l'enfer. Et puis nous suivrons Hamlet, venu converser avec l'esprit. Dans l'ombre, Hamlet, il ne se trouve que trop en lumière. Et il va nous accompagner pour entendre, une fois de plus, ou pour la première fois, qui sait, comment son père, en une seconde, a perdu sa vie, sa couronne et sa reine. C'était au Festival d'art dramatique d'Angers, et ce fut le 20 juin 1954 sur la chaîne nationale, la tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark. La radiodiffusion télévision française présente par transmission différée le 3e Festival d'art dramatique d'Angers sous la direction de Jean Marchat, sociétaire de la Comédie française. Diffusé dans l'enceinte du château du roi René, vous allez pouvoir écouter dans quelques instants Hamlet de William Shakespeare. Traduction de Marcel Pagnol de l'Académie française, musique de Louis Bessières, mise en scène de Serge Reggiani. Voici la présentation de M. Charles Houlmont. Qu'aurait pensé Shakespeare du prodigieux décor dans lequel on a joué Hamlet au Festival d'Angers, avec un succès si triomphal que, malgré les 2000 places proposées au public, on n'aurait pas pu placer une épingle entre les spectateurs? S'il en est parmi vous qui ne connaissent pas encore cette cour immense du château, je leur conseille d'aller se rendre compte par eux-mêmes de ce que le mur devant lequel nous avions déjà applaudi le roi Jean de l'auteur d'Hamlet peut inspirer de grandiose, d'émouvant et, comme par un paradoxe bien singulier, et ce n'est pas pour faire un à peu près que je vais employer ce mot, de mouvant. Sans doute Serge Reggiani, parfait metteur en scène et qui connaît à fond son métier, a-t-il utilisé au mieux les trois plans que lui offrait la gigantesque muraille? Sans doute, il s'est servi des escaliers, soit pour les descendre, soit pour les monter, avec une extrême variété. Sans doute aussi, a-t-il simplifié au minimum, et il a bien fait, le mobilier et les accessoires, stylisant tout et permettant de laisser constamment le drame à l'avant-scène. Sans doute, enfin, a-t-il accordé son soin le plus attentif au portrait même d'Hamlet, qu'il a incarné dans toute sa complexité, ses angoisses, ses rages, sa tendresse, sa folie. Mais quelle reconnaissance doit-il avoir, comme nous tous, de s'être senti élevé au-dessus de lui-même et porté à la hauteur de l'œuvre. Ce décor sombre et lumineux tout ensemble, éclairant la pièce d'une lumière fantomatique, et permettant à ceux d'entre nous qui, connaissant la terrasse d'Elsonnerre, de nous y croire transportés comme par miracle. Il n'est pas douteux qu'on peut prendre un malin plaisir à contester la valeur de la traduction de Marcel Pagnol, donnée ici pour la première fois. Il est facile, trop facile en vérité, d'imaginer impossible la collaboration de l'auteur de Topaze et du père d'Hamlet. Mais c'est là idée préconçue, absurde, et au contraire, tandis que certains passages du texte sont d'un ton plus familier que dans les autres traductions, Pagnol s'est laissé aller parfois à de grands mouvements poétiques, entraînés sans doute par Shakespeare. Et pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi ne pas écouter ce que lui-même nous a confié à propos de son long et dur travail de traducteur? Il a noté que deux sortes d'écrivains ont traduit Hamlet, les auteurs dramatiques et les professeurs. Et tout de suite, il a vu que ceux-là ont fait plutôt des adaptations que des traductions, et qu'ils n'ont pas été au fond de la langue de Shakespeare. Il a même aperçu plus d'un contresens dans les œuvres de ses devanciers. L'un d'eux écrivait J'ai vu mon père dans l'œil de ma pensée, au lieu de traduire simplement « dans ma pensée ». Et il est arrivé à observer que de vrais érudits aussi ont fini par faire des contresens par faute de sens dramatique. Il a rectifié l'idée d'admettre un Hamlet gras et gros et imposé la nécessité d'un prince chétif, traduisant le mot anglais « fête » par « il n'est pas en forme ». Et il n'a pas craint d'être vulgaire lorsqu'il le fallait, comme il n'a pas craint de conclure qu'Hamlet n'est pas un homme en vérité, mais un philosophe de sexe douteux et dont le rôle peut être joué parfaitement par une grande comédienne. De même, il a fait une étude profonde sur la folie d'Hamlet et sur ce point encore, comme lorsqu'il a étudié le caractère d'Ophélie, chaste et voluptueuse fille qui ne peut comprendre ni les sautes d'humeur ni la méchanceté de son cher Hamlet et finit par devenir folle. Il a réparé une sottise de gros poids en écrivant non point « aussi longtemps que vivra la mémoire sur notre globe détraqué », phrase incompréhensible, mais par celle-ci « tant qu'il y aura une mémoire dans ce crâne de fou ». Ne croyez pas que ce soit là simple détail sans importance. Les innombrables auditeurs du Festival d'Angers s'en sont bien rendus compte, se sentant plus près d'Hamlet qu'avec d'autres guides français. Et je suis certain pour ma part qu'une grande partie du triomphal succès d'Hamlet à Angers est venue du fait conjugué d'un décor unique en France, d'un Hamlet parfaitement cohérent dans ses incohérences, et d'un texte d'une clarté indispensable aux compatriotes d'un Descartes. Clarté ne signifiant pas une minute qu'on ait assassiné le mystère qui doit auréoler le beau prince ténébreux. Ibsen ne disait-il pas que ses pièces n'étaient jamais plus nordiques que lorsqu'elles devenaient, par le jeu et le texte, facilement intelligibles à la masse comme à l'élite. En bloc, bravo à tous les comédiens entourant Hamlet, Serge Reggiani. Je n'ai pas entendu bouger une souris. Viens, bonne nuit. Ah, si tu rencontres Horatio et Marcellus, qui sont de garde avec moi, dis-leur de se hâter. Je crois que je les entends. Halte ! Qui va là ? Admire ce pays, et sujet du roi de Danemark. Je vous souhaite bonne nuit. Adieu, brave soldat, quitte à relever. Bernardo est à ma place. Voilà, Bernardo ! Dites-moi, c'est Horatio qui est là. Mais est-ce que tout ? Soyez le bienvenu, Horatio. Eh bien, la chose s'est-elle encore montrée cette nuit ? Je n'ai rien vu. Horatio dit que c'est une imagination. Il ne peut pas croire à l'apparition terrible que nous avons vue deux fois. Voilà pourquoi je l'ai supplié de surveiller avec nous chaque minute de cette nuit. Si l'apparition revient, il pourra confirmer le témoignage de nos yeux et lui parler. Mais non, rien n'apparaîtra. Assieds-toi un instant. Et permets-nous encore une fois de donner l'assaut à tes oreilles qui sont si bien fortifiées contre notre histoire. Je veux te répéter ce que nous avons vu deux fois. Bien, asseyons-nous et écoutons le récit de Bernardo. La nuit dernière, quand cette étoile-là, qui est à l'ouest de la Polaire, eut décrit sa courbe pour venir éclairer le coin du ciel où elle brille en ce moment, Marcellus et moi-même, alors que l'horloge sonnait une heure... Tais-toi ! Regarde ! Là, c'est la chose qui revient ! Sous la même forme et pareil au roi qui est mort. Toi qui as étudié, parle-lui, Horatio. Est-ce qu'il ne ressemble pas au roi ? Regarde-le bien, Horatio. C'est frappant. Il me bouleverse de peur et de surprise. Il voudrait qu'on lui parle. Interroge-le, Horatio. Qui es-tu ? Toi qui t'arroges cette heure nocturne et qui usurpe la noble et guerrière figure sous laquelle combattait jadis le roi de Norvège, qui repose aujourd'hui sous la terre. Parle ! Au nom du ciel, je te somme de parler. Regarde, il s'en va fièrement. Parle, je te somme de parler. Il s'en va, il ne veut pas répondre. Eh bien, Horatio, tu trembles, tu es pâle. N'est-ce pas là une hallucination ? Et qu'en dis-tu ? Devant Dieu, je n'aurais pas pu y croire sans le témoignage positif et véridique de mes propres yeux. Ne ressemble-t-il pas au roi ? Comme toi, toi-même. C'est bien là l'armure qu'il portait quand il combattit l'ambitieux roi de Norvège. Ceci est étrange. Ainsi, deux fois déjà, juste à cette heure de silence, il est passé devant notre poste avec cette allure guerrière. Quel est son but, je n'en sais rien. Mais dans l'ensemble, à mon avis, c'est le présage de quelque étrange scandale dans notre pays. Eh bien maintenant, si quelqu'un le sait, qu'il m'explique. Pourquoi ces gardes si sévères et si attentives sont imposés à tant de sujets du royaume ? Pourquoi fait-on tant de canons chaque jour ? Pourquoi achetons-nous à l'étranger tant de fournitures de guerre ? Pourquoi les chantiers de construction navale travaillent-ils avec tant de hâte ? On n'y reconnaît plus le dimanche des jours de la semaine. Quel danger nous menace qui fait suer nos ouvriers le jour et la nuit ? Qui peut me le dire ? Moi ! Dis-moi, je puis te répéter ce qui se chuchote en ce moment. Notre dernier roi, dont l'image vient de nous apparaître à l'instant, fut, comme tu le sais, défié en combat singulier par Fortinbras de Norvège. Et notre vaillant Hamlet tua ce Fortinbras. Avec la vie, il abandonnait les terres dont il était le maître légitime entre les mains de son vainqueur. Or, monsieur le fils de Fortinbras, bouillant et débordant d'un désir de querelle, vient de lever çà et là aux frontières de Norvège une troupe d'aventuriers prêts à tout. Ils veulent nous reprendre. Tout simplement par la force ou par un ultimatum, ces terres dont je viens de parler, que son père a perdues. Voilà, à mon avis, la grande raison de nos préparatifs. Voilà pourquoi nous sommes de garde ce soir même. Et la raison de cette hâte et de ce branle-bas dans tout notre pays. Je suis persuadé que c'est l'exacte vérité. Elle s'accorde très bien avec le sinistre présage de cette apparition qui traverse en armes notre veillée. Et si pareil à ce qui fut et qui reste le point de départ de ces guerres. Au temps de la plus haute fortune de Rome, quand elle brandissait les palmes du triomphe, juste avant la chute de l'invincible César, les tombeaux restèrent béants et vides. Et les morts, drapés dans leur linceul, piaillaient et chicanaient dans les rues de la ville. Et l'on vit des étoiles qui traînaient du feu. Et il y eut des rosées sanglantes et des soleils couleur de désastre. Et l'humide planète qui commande à l'empire de Neptune fut assombri par des éclipses dignes du jugement dernier. Et de même, les avant-coureurs d'événements terribles, comme les messagers qui précèdent toujours le destin et annoncent la catastrophe imminente, la terre et le ciel se sont unis pour les montrer à nos climats et à notre nation. Le silence, il revient encore. Je vais lui barrer la route qu'il me pulvériser. Arrête, illusion! Si tu peux émettre un son, si tu as une voix, parle-moi. Si je puis faire sans péché, quelque chose qui te soulage et qui m'honore, parle-moi. Si tu sais quelque malheur menaçant la patrie et que prévenu, elle pourrait t'éviter, oh, parle! Ou si tu as pendant ta vie caché dans la terre un trésor volé, ce qui dit-on force les esprits à errer après leur mort, dis-le-moi. Arrête-toi et parle. Arrête-le, Marcellus. Faut-il frapper de ma pertuisante? Frappe, s'il ne s'arrête pas. Il est ici! Il est là-bas! avons tort devant cette majesté de l'attaquer par la violence, car il est comme l'air invulnérable. Et nos coups inutiles ne sont qu'un méchant sacrilège. Il allait parler quand le coq a chanté. Et alors, comme une âme coupable qui s'entend rappeler par une voix effrayante, il a tressailli. Mais voici que là-bas, au fond de l'Orient, le beau matin, drapé d'un manteau rouge et brun, marche dans la rosée sur la haute colline. Finissons notre garde. Mais si vous m'en croyez, faisons part de ce que nous vîmes cette nuit au jeune Hamlet. Car sur ma vie, cet esprit muet pour nous lui parlera. Consentez-vous que nous allions l'en instruire. Notre affection nous y oblige et c'est de notre devoir. Faisons-le, je vous prie. Je sais où le trouver ce matin pour lui parler commodément. Quoique le souvenir de la mort de Hamlet, notre cher frère, soit encore frais. Quoiqu'il soit convenable de tenir nos cœurs dans la tristesse. Quoique la douleur crispe toute la face du royaume. Cependant, notre raison a combattu la nature. Si bien que nous pensons à lui avec une douleur sensée, qui nous permet de penser aussi à nous-mêmes. C'est pourquoi, celle qui fut notre sœur, qui est aujourd'hui notre reine, et qui partage avec nous le pouvoir sur cet état guerrier, avec une joie attristée, avec un sourire mêlé de larmes, mêlant de la gaieté à des funérailles et le chant funèbre au chant nuptial, faisant une part égale à la douceur et au deuil, nous l'avons prise pour femme. Et ce faisant, nous ne sommes pas allés contre vos très sages conseils que vous nous avez donnés en toute liberté, à tous, nos remerciements. Maintenant, il me reste à vous parler du jeune Fortinbras. Se faisant une mince idée de notre valeur, ou croyant que la mort de notre frère bien-aimé a jeté cet état dans les divisions et l'anarchie, ajoutant à cette illusion celle de se croire plus puissant que nous, il n'a pas manqué de nous accabler dans bassin, nous sommant de restituer des territoires que son père a perdus, selon toutes les formes légales, et que conquit notre frère. Très valeureux, voilà pour lui. Quant à nous, voici ce que nous voulons faire et pourquoi nous vous avons réunis. Par les présentes, nous avons écrit au roi de Norvège, oncle du jeune Fortinbras, infirme et alité, il connaît à peine par ouï dire les projets de son neveu. Nous lui demandons d'arrêter les progrès de cet équipé, car c'est parmi ses sujets que se font l'élevé et les enrôlements. Et nous dépêchons, vous, mon loyal Cornelius, et vous, Voltimand, pour porter notre salut au vieux roi de Norvège. Nous ne vous accordons pour négocier avec le roi aucun pouvoir personnel, sauf dans les limites des instructions détaillées. Adieu. Et que votre promptitude fasse valoir votre dévouement. En cela, comme en toute chose, nous montrerons notre obéissance. Nous n'en doutons pas. Nous vous souhaitons cordialement un bon voyage. Et maintenant, l'alerte. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Tu as parlé d'une requête. Quelle est-elle, l'air? La tête n'est pas plus parente du cœur, la main n'est pas plus dévouée à la bouche. Connais le trône de Danemark à ton père. Que désires-tu, l'air? Mon redouté seigneur, je vous demande votre permission et votre assentiment pour retourner en France. J'en suis venu de grand cœur en Danemark pour rendre mon hommage à votre couronnement. Mais aujourd'hui, je l'avoue, ayant accompli mon devoir, mes désirs et mes pensées sont encore tendus vers la France. Et il se courbe devant vous pour vous demander votre permission et votre indulgence. As-tu la permission de ton père? Que dit Polonius? Mais il a, seigneur, à force de requête, arraché une permission qui s'est faite attendre. Enfin, à contre-cœur, j'ai scellé sa volonté de mon consentement, je vous en prie. Autorisez-le à partir. Choisis l'heure que tu voudras, l'air, ton temps et ta personne sont à toi, employés à ta volonté. Merci. Et toi, Hamlet, mon cousin, et mon fils, peu plus que cousin, mais pas fils tout à fait. Pourquoi cette ombre toujours suspendue sur ton front? Cette ombre, monseigneur? Je ne suis que trop en lumière. Où cher Hamlet. Quitte cet air sombre comme la nuit et tourne un regard amical vers le roi de Danemark. Que tes regards baissés ne cherchent pas éternellement ton noble père dans la poussière. Tu le sais bien, c'est le sort commun. Tout ce qui vit doit mourir et traversant le monde passe dans l'éternité. Mais oui, madame, c'est le sort commun. S'il en est ainsi, pourquoi sembles-tu souffrir si étrangement? Semble, madame, non, c'est bien une réalité. Chez moi, il n'y a pas de semblant. Ce n'est pas seulement ce manteau couleur d'encre, ma bonne mère, ni les costumes ordinaires de grand deuil, ni les soupirs bruyants d'une respiration pénible, non, ni les fleuves de larmes, ni l'aspect abattu du visage avec le cortège des expressions, des attitudes, des apparences du chagrin qui peuvent dire ce que je sens. Tout cela, en vérité, ce sont des semblants, car n'importe qui peut les feindre. Et ce que j'ai là, rien ne peut le traduire. Le reste, ce n'est que le costume d'apparat de la douleur. C'est le signe louable de la bonté de ton cœur, Hamlet, que de rendre à ton père ses devoirs funèbres. Mais persévérer dans un désespoir obstiné, c'est un entêtement impie. Ce sont larmes indignes d'un homme. Nous t'en prions. Rejette au loin cette douleur qui ne peut rien, et que nous soyons dans ta pensée un père. Car nous voulons que tout le monde le sache. Tu es le plus proche de notre trône, et toute la noble affection du père le plus tendre, je l'éprouve pour toi. Quant à tes projets de retourner à Wittenberg, reprendre tes études, il est très opposé à nos désirs. Nous t'en conjurons. Consens à rester ici, toi qui es le premier à notre cour. Prête la joie et le réconfort de nos yeux. Notre cousin. Notre fils. Ne laisse pas ta mère prier en vain, Hamlet. Je t'en prie, demeure avec nous. Ne va pas à Wittenberg. Je ferai de mon mieux pour vous obéir, madame. Alors, voilà une réponse affectueuse et convenable. Sois en Danemark, un autre nous-mêmes. Madame, venez. Ce consentement aimable et spontané d'Hamlet comble mon cœur de joie. Pour le fêter, le roi de Danemark ne videra pas une coupe joyeuse sans que la grande voix du canon n'aille la prendre au nuage. Et le ciel renverra l'écho des rasades du roi en répétant le tonnerre terrestre. Madame, venez, sortons. Cette chair trop solide pouvait se fondre, se liquéfier, se résoudre en rosée. Oh, pourquoi l'Éternel a-t-il fixé sa loi contre le suicide? Oh Dieu! Oh Dieu! Combien mornes, usées, plates et stériles me semblent toutes les jouissances de ce monde. C'est un jardin abandonné, tout y pousse au hasard. Rien que des plantes sauvages et grossières. Et voilà où nous en sommes. À peine 2 mois qu'il est mort. Non, pas même pas 2 mois. Un roi, si supérieur à tous, qui était à celui-ci ce qu'est Apollon à un faune. Et plein de tendresse pour ma mère qu'il ne permettait pas au vent du ciel de frôler son visage trop rudement. Ciel et terre, faut-il qu'il m'en souvienne? Elle s'attachait à lui comme si l'aliment de sa passion n'eût fait qu'accroître sa faim. Et pourtant, à peine un mois, je n'y veux plus penser. Inconstance, ton nom est femme! Un tout petit moi! Pas même le temps d'user des souliers qu'elle portait pour suivre le convoi de mon malheureux père, tout en larmes, comme Niobé. Oui, elle-même! Oh Dieu! Une bête qui n'a pas de raison de pleurer plus longtemps. Mariée avec mon oncle, le frère de mon père. Et qui ressemble autant à mon père que moi à Hercule. À peine un mois. Les yeux rouges encore du ciel de ses larmes indignes, elle s'est remariée. Oh, exécrable promptitude, venir avec tant de hâte vers les draps de l'inceste. Ce n'est pas bien, il n'en peut rien sortir de bon. Mais brise-toi, mon cœur. Il faut que je me taise. Salut à votre altesse. Je suis heureux de vous voir en bonne santé. C'est Horatio, alors je n'ai plus souvenir de moi-même. Ce même Horatio, mon cher seigneur, et je reste votre humble serviteur. Non, monsieur ton serviteur, c'est moi, mon bon ami. Et que fais-tu loin de Wittenberg, Horatio? Marcellus. Mon bon seigneur. Très content de te voir. Bonsoir, monsieur. Me diras-tu ce que tu fais, Elsener? Monseigneur, je suis venu pour voir les funérailles de votre père. Je t'en prie, ne te moque pas, mon vieux condisciple. Je crois que tu voulais voir le mariage de ma mère. Il est vrai, mon cher seigneur, que cela a suivi de bien près. Économie, Horatio. Les rôtis du repas de funérailles ont fourni la viande froide aux tables de la noce. Je voudrais avoir rencontré mon plus intime ennemi au paradis, Horatio, plutôt que de jamais avoir vu ce jour. Mon père, il me semble que je vois mon père. Où cela, monseigneur? Dans mon cœur. Je l'ai vu autrefois, c'était un bien beau roi. C'était un homme! Tel que dans son ensemble, je ne reverrai jamais plus son pareil. Monseigneur, je crois l'avoir vu la nuit dernière. Vu qui? Monseigneur le roi, votre père. Le roi, mon père? Calmez un instant votre émotion. Écoutez-moi, que je puisse vous raconter avec ces deux gentilshommes pour témoins cette chose miraculeuse. Au nom du ciel, parle donc. Deux nuits de suite, ces deux gentilshommes, Marcellus et Bernardo, qui étaient de garde dans le silence désert du milieu de la nuit, avaient rencontré la chose suivante. Une silhouette, pareille à celle de votre père, armée de toutes pièces, de pied en cap, apparaît devant eux. Et avec une allure solennelle, elle marche lentement et gravement auprès d'eux. Ceci, ils me le racontèrent en tremblant et sous le sceau du secret. Et je montai la garde avec eux la troisième nuit. Et là, exactement selon leur récit, à la même heure, sous la même forme, justifiant la vérité du moindre de leurs mots, l'apparition vient. J'ai reconnu votre père. Ces deux mains ne sont pas plus semblables. Ceci est bien étrange. Aussi sûr que je vis, mon cher seigneur, c'est vrai. Il nous a semblé qu'il était nettement de notre devoir de vous en informer. C'est vrai, monsieur. Êtes-vous le garde cette nuit sur l'esplanade? Oui, monseigneur. Il était armé, dites-vous? Armé, monseigneur. De la tête aux pieds? Oui, monseigneur. Je tiens garde. Vous n'avez donc pas vu son visage? Si, monseigneur. Sa visière était relevée. Ah. Bien. Avait-il l'air courroucé? Monseigneur, il montrait plus de tristesse que de colère. Était-il pâle ou empourpré? Oh non, très pâle. Et il a fixé les yeux sur vous? Constamment. Je monterai la garde! Cette nuit, peut-être passera-t-il de nouveau. Je vous le garantis. S'il prend la figure de mon noble père, je lui parlerai. Quand l'enfer même s'ouvrirait béant et m'ordonnerait de me taire! Je vous en supplie, vous tous. Si vous avez jusqu'ici caché cette vision, tâchez de la garder sans maudire. Et s'il se passe autre chose cette nuit, essayez de comprendre, mais ne répétez rien. Je récompenserai votre amitié. Ainsi, portez-vous bien. Sur l'esplanade, entre 11h et minuit, j'irai vous rejoindre. Le respect à votre honneur. Dites votre amitié, comme la mienne est à vous. Adieu. Fantôme armé de mon père, tout n'est donc pas bien. Je soupçonne quelque trahison. Je voudrais que la nuit fût venue. Jusque-là, calme-toi, mon âme. Il faut que les crimes surgissent aux yeux des hommes. Quand même toute la terre les couvrirait. Les bagages sont embarqués. Au revoir. Et ma sœur, quand le vent sera bon et le courrier en partance, ne vous endormez pas, mais donnez-moi de vos nouvelles. En doutez-vous? Pour Hamlet et la cour qu'il vous fait, considérez cela comme un caprice, une fantaisie, une violette dans le printemps de sa jeunesse, précoce mais éphémère, suave mais tôt passé, parfum et amusement d'une minute, rien de plus. Rien de plus? Rien de plus. Il est lui-même esclave de sa naissance. Il ne peut pas, comme les gens ordinaires, choisir à son gré, car de son choix dépendent la sécurité et la santé de tout un royaume. Alors, s'il te dit qu'il t'aime, La sagesse ne peut le croire que dans la mesure où sa situation et son devoir lui permettent d'agir selon ses paroles. Et il ne peut aller plus loin que le vœu du Danemark nous l'y autorise. Pèse donc la perte que subira ton honneur si tu écoutes les sérénades d'une oreille trop crédule, si tu perds ton cœur, ou si tu livres le trésor de ta vertu à des attaques qu'il ne peut maîtriser lui-même. Crains-le, Ophélie. Crains-le, ma sœur chérie. Ne te laisse pas entraîner par ton amour. Reste hors de portée des flèches dangereuses du désir. Je conserve à l'effet de vos bons conseils. Ils sont les gardiens de mon cœur. Voici mon père. L'occasion sourit à de nouveaux adieux. Encore ici, Laërte, n'as-tu pas honte? À bord, allons. Le vent souffle au dos de ta voile, et c'est toi que l'on attend. Là, ma bénédiction sur toi. Je prends congé de vous très humblement, monseigneur. L'heure t'appelle, va, tes serviteurs t'attendent. Au revoir, Ophélie, et surtout, gardez-vous d'oublier ce que je vous ai dit. Tout est serré dans ma mémoire et vous en gardez la clé avec vous. Au revoir. Qu'est-ce donc, Ophélie, qu'il t'a dit? S'il vous plaît, quelques mots à propos de Lord Hamlet. Ah, par Dieu, bonne idée. On m'a rapporté que ces jours-ci, il vous a entretenu en privé bien souvent. Qu'y a-t-il entre vous? Allons, dites-moi tout. Monseigneur, depuis quelques jours, il m'a donné bien des témoignages de son amitié. Amitié? Tu parles comme une fillette inexpérimentée pour des jeux aussi périlleux. Et tu crois ces témoignages, comme tu dis? Je ne sais pas, monseigneur, ce que je dois en penser. Ma foi, je te l'apprendrai. Dis-toi, tu es un bébé. Que tu as pris argent comptant des témoignages qui n'ont aucune valeur. Témoigne-toi avec moins de générosité. À partir d'aujourd'hui, ma fille, sois plus avare de ta virginale présence. Estime ta conversation à plus haut prix qu'une simple demande de rendez-vous. Et pour Lord Hamlet, crois d'abord ceci. Qu'il est jeune et qu'il peut se promener au bout d'une laisse beaucoup plus longue que la tienne. Bref, Ophélie, ne crois pas ses promesses, ce sont des maquerelles qui n'ont pas du tout la couleur de leur costume. Elles viennent présenter des requêtes abominables. Elles te parlent doucement de liens sacrés et sanctifiés. C'est pour mieux te tromper. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Pour parler clair, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas que tu déshonores tes moments de loisir en allant faire la causette avec Monseigneur Hamlet. Veille-y, je t'en donne l'ordre. Je vous obéirai, monseigneur. Allons. L'air pique, il fait très froid. C'est un petit vent âpre et mordant. Quelle heure est-il maintenant? Il n'est pas encore minuit. Non, minuit a sonné. Ah vraiment, je ne l'ai pas entendu. Alors ce sera bientôt le moment où l'esprit a l'habitude de se promener. Que signifie cela, monseigneur? Le roi veille cette nuit. Il fait un concours d'ivronnerie. Et ce matamor parvenu de Titube. Et à mesure qu'il pompe un grand coup de vin du Rhin, le tambour et la trompette braient en l'honneur de son triomphe. Est-ce une vieille coutume? Bien entendu. Mais à mon avis, quoi que je sois né ici et que j'y sois accoutumé depuis ma naissance, elle fait plus d'honneur à ceux qui la méprisent qu'à ceux qui la respectent. Regardez, monseigneur! Le voici! Que les anges et les ministres de la grâce nous protègent. Que tu sois un esprit bienheureux ou un spectre damné. Que tu apportes la brise du ciel ou la puanteur de l'enfer. Que tes intentions soient pleines de haine ou de charité. Tu t'avances sous une forme si naturelle que je veux te parler. Je t'appelle Hamlet, roi, père, seigneur des Danois. Oh, réponds-moi. Ne me laisse pas crever de doute. Mais dis pourquoi tes os, qui ont reçu les sacrements et qui reposaient dans la mort, ont brisé leur prison. Pourquoi le sépulcre, où je te vis enfermé en paix, a ouvert sa lourde gueule de marbre pour te rejeter sur la terre? Pour quelle cause, toi, cadavre, tu reviens dans ton armure, errant sous la lune intermittente et remplissant la nuit de peur? Et nous, les bouffons de la nature, pourquoi viens-tu nous bouleverser si affreusement? Pourquoi nous imposes-tu des idées que notre âme ne peut pas comprendre? Parle! Quel est ton but? Que veux-tu de nous? Voyez, avec quel geste noble il vous fait signe de le suivre dans quelque endroit plus retiré. Mais n'y allez pas! Non, monseigneur, pour rien au monde! De quoi aurais-je peur? Je donnerai ma vie pour une épingle. Quant à mon âme, que pourrais-tu lui faire, puisqu'elle est aussi mortelle que lui? Il me fait encore signe d'avancer, je le suis! Mais s'il vous entraîne vers la marée, monseigneur, ou sur l'effrayant sommet de la falaise qui surplombe la mer, et là qu'il prenne quelque forme horrible, qui vous fasse perdre le contrôle de votre raison, si vous précipitez dans la folie, pensez-y bien, monseigneur! Il m'appelle encore, va, je te suis! Non, vous n'irez pas, laissez-vous commander! Mon destin m'appelle! Et chaque fibre de mon corps est aussi forte que les muscles lignons de Némé. Lâchez-moi, messieurs! Par le ciel, je fais un fantôme de celui qui me parle à haute! Écartez-vous, vous dis-je! Va, je te suis! Son imagination le rend fou! Suivons-le! Nous avons tort de lui obéir dans de pareilles circonstances! Suivons-le! Que sortira-t-il de tout cela? Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Que la volonté de Dieu soit faite. Allons, suivons-le. L'assassinat est toujours horrible, même s'il a des excuses. Mais celui-ci, plus que n'importe quel forfait, est horrible, étrange et contre nature. Parle vite, afin que plus rapide que les ailes de l'amour et de la pensée fondent sur le criminel ma vengeance. Je te trouve ton prêt. Mais sache, mon noble enfant, que le serpent qui tua ton père porte maintenant sa croix. Ah, les pressentiments de mon âme, mon oncle! Oui, cette brute incestueuse et adultère, par le charme de son esprit, par des présents corrupteurs, sut gagner à sa lubricité honteuse le consentement de celle qui paraissait si pure. Marais. Oh, Romelet, quel effondrement! Tombé de mon amour, cet amour si noble qu'il marchait la main dans la main avec les vœux sacrés que j'avais prononcés à notre mariage, et roulé jusqu'à un misérable dont les qualités étaient si pauvres auprès des miennes. Mais doucement, il me semble reconnaître l'odeur du matin. Il faut abréger. Tandis que je dormais dans mon parc, comme j'avais coutume de le faire l'après-midi, ton oncle se glissa près de moi pendant mon heure de tranquillité. Il avait dans ses petits flacons le jus maudit de la justiane, et dans mon oreille, il versa le suc empoisonné. Ainsi, dormant, mon frère. Je perdis d'un seul coup ma vie, ma couronne, ma reine. Fauché dans la fleur de mon péché, sans communion, sans confession, sans onction sainte, sans avoir fait le compte de mes fautes, mais envoyé devant mon juge la tête chargée de toutes mes erreurs. Horreur, oh horreur, comble d'horreur. Si tu as du cœur, ne le supporte pas. Ne permets pas que la couche royale du Danemark soit un lit de luxure ou se vautre l'inceste. Mais de quelque façon que tu punisses le crime, ne te déshonore pas et que ton cœur ne trame rien contre ta mère. Laisse là la justice du ciel et aux épines qu'elle porte dans son sein pour la poindre et la déchirer. Ah, et le ciel soit avec toi. Les vers luisants annoncent l'approche du matin et leur feu qui ne brûle pas commence à pâlir. Adieu. Adieu. Souviens-toi de moi. Ô peuple du ciel, ô terre, et quoi d'autre? Ne faut-il pas invoquer l'enfer? Horreur! Allons, tais-toi, mon cœur. Et vous, mes muscles, ne vieillissez pas sous l'air et d'ici moi! Me souvenir de toi. Oh oui, pauvre âme en peine. Tant qu'il y aura une mémoire dans ce crâne détraqué. Me souvenir de toi. De la table de ma mémoire, j'effacerai tous les tendres souvenirs qui n'ont plus d'importance, tous les livres, toutes les formes, toutes les empreintes que l'enfance et l'expérience y ont laissées. Et ton ordre tout seul vivra dans les livres de mon cerveau, seul, sans aucune promiscuité. Oui, par le ciel. Oh, femme funeste, oh, scélérat. Scélérat souriant infernal, scélérat, mes tablettes, il faut absolument que je note. On peut sourire et n'être qu'un scélérat. Du moins, c'est possible en Danemark. Ainsi, mon oncle, vous voilà. Et maintenant, le mot d'ordre, c'est... Adieu. Souviens-toi de moi. Je l'ai juré. Monseigneur! Monseigneur, Seigneur anglais, le ciel le protège. Ainsi soit-il. Il est en, Monseigneur. Il est en, mon garçon. Viens, mon joli, viens. Qui est-il, mon noble Seigneur? Bien, Monseigneur, quelle nouvelle? Oh, extraordinaire. Dites-nous, Monseigneur. Non, vous le répéteriez. Pas moi, Monseigneur, je vous le jure. Dis-moi, Monseigneur. Eh bien... Un cœur humain pourrait-il l'admettre, mais vous garderez le secret. Oui, Monseigneur, par le ciel. Il n'y a pas dans tout le Danemark un scélérat qui ne soit un fief et coquin. Monseigneur, il n'est pas nécessaire qu'un fantôme sorte de terre pour annoncer une pareille vérité. Oui, tu as raison, tu as parfaitement raison. Eh bien, messieurs, en plus de façon, je crois qu'il vaut mieux nous serrer la main ou nous quitter. Vous, vous irez là où vous appellent vos affaires et vos désirs, car chaque homme a son affaire et son désir, quel qu'il soit. Et moi, pour ma part... Pour ma pauvre part, voyez-vous, j'irai prier. Mais ce ne sont là que paroles incohérentes et égarées, mon cher Seigneur. Je regrette que je vous offense de tout cœur, oui, de tout cœur. Monseigneur, il n'y a pas de crime. Oui, par Saint-Patrick, il y en a un, Horatio. Et quel crime? Quant à cette vision, le fantôme, et d'un brave fantôme, permettez-moi de vous le dire. Et si vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a entre lui et moi, tâchez de maîtriser votre curiosité. Et maintenant, mes chers amis, comme amis, camarades et soldats, accordez-moi une petite requête. Mais qu'est-ce donc, Monseigneur de grand cœur? Ne faites jamais connaître ce que vous avez vu cette nuit. Nous le dirons, Monseigneur. Oui, mais jurez-le. Des paroles d'honneur, monseigneur. Moi aussi, monseigneur, je vous donne ma parole. Jurez sur mon épée. C'est juré, monseigneur. Et c'est sur mon épée, je vous en prie, sur mon épée. Juré. Ah, mon gars, c'est toi qui dis ça? Et tu l'as, bon bouc, alors, vous entendez le phénomène dans la cave? Consentez à jurer. Mais donnez-nous la formule du serment, monseigneur. Ne jamais dire un mot de ce que vous avez vu, par mon épée jurée. Jurée. Et que tu veux, quoi? Alors, changeons de place, venez ici, mes bons amis. Étendez encore une fois vos mains sur mon épée. Ne jamais dire un mot de ce que vous avez vu, par mon épée jurée. Jurée. Bien dit, vieille taupe! Tu creuses ton chemin si vite? Un fameux sapeur. Consentez à jurer. Alors, changeons de place encore une fois. Oh, jour et nuit, ceci est bien étrange. Il n'y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que n'en rêvent les philosophes. Mais, allons ici, comme tout à l'heure. Ne jamais, quelque étrange ou bizarre que je vous paraisse, et il se pourrait que par la suite, je juge convenable de faire le fou. Ne jamais, quand vous verrez dans ces moments, croiser les bras ainsi, ou secouer la tête comme ceci, ou dire quelques phrases de double sens, ou par quelque expression ambiguë, ne jamais laisser entendre que vous êtes bien renseigné sur moi. Ne jamais rien faire de pareil. Ainsi, la grâce de Dieu vous aide en votre plus grand besoin. Jurez. Jurez. Calme-toi. Âme en peine. Nous le jurons. Ainsi, messieurs, de tout mon amour, je me recommande à vous. Et tout ce qu'un homme aussi pauvre qu'Hamlet pourra faire pour vous montrer son amour et son amitié ne vous manquera point si Dieu veut. Rentrons ensemble. Et toujours le doigt sur la bouche, je vous en prie. C'était pas qui était drinqué. Oh, rage maudite. Être né moi pour en redresser les torts. Alors, rentrons ensemble. Ophélie, qu'y a-t-il? Ah, monseigneur, que j'ai eu peur! Mais peur de quoi au nom du ciel? Monseigneur, j'étais à coudre dans ma chambre. Lord Hamlet, son pourpoint tout déboutonné, sans chapeau, les bas fripés, sans jarretière, tombant sur ses chevilles, blanc comme un linge, ses genoux s'entrechoquaient, et avec une expression si douloureuse dans ses yeux qu'on lui dit qu'il sortait de l'enfer pour en raconter les horreurs. Le voilà qui vient vers moi. Fou d'amour pour toi. Monseigneur, je ne sais pas trop, mais au fond, je le crains. Que t'a-t-il dit? Il me prit par le poignet et le serra fort. Puis il s'écarte sans me lâcher, me tint au bout de son bras. Et, passant son autre main sur son front, comme ceci, il se met à scruter mon visage comme s'il voulait faire mon portrait. Il reste longtemps ainsi. À la fin, sa main tremble sur mon bras et, hochant trois fois la tête comme ceci, il poussa un soupir si douloureux et si profond qu'il sembla briser tout son corps et emporter son âme. Ensuite, il me lâcha. Et me regardant par-dessus son épaule, il parut trouver son chemin sans se servir de ses yeux, car il franchit la porte sans leur secours. Et jusqu'au bout, ses regards restèrent tournés vers moi. Je suis navré. Est-ce que tu lui as parlé durement ces jours-ci? Non, mon bon seigneur, mais sur votre ordre, j'ai refusé ses lettres. Et lui ai fait défendre d'arriver jusqu'à moi. Mais voilà ce qui l'a rendu fou! Je regrette de l'avoir jugé si vite et si légèrement. Je craignais qu'il ne fît que s'abuser et qu'il voulût simplement te séduire. Oh, diable ma sévérité! Par le ciel, il est aussi courant pour les hommes de mon âge de se tromper par excès de réflexion qu'il est commun aux jeunes gens de manquer de mesure. Ah! Nous allons voir le roi. Il faut lui dire tout ceci, car cet amour gardé secret pourrait causer plus de malheur que sa révélation. Soyez les bienvenus, chers Rosenkrantz et Guildenstern. Outre le désir de vous revoir, le besoin où nous sommes de vos services a causé ce rappel précipité. Vous avez entendu parler de la métamorphose d'Hamlet. Je dis métamorphose, puisque rien dans son extérieur ou son caractère ne ressemble à l'homme qu'il était naguère. Y a-t-il quelque événement qui se soit ajouté à la mort de son père pour troubler à ce point sa connaissance de lui-même? Je ne puis l'imaginer. Je vous supplie, tous les deux, vous qui avez été élevés avec lui depuis l'enfance, qui est donc très près de son âge et de son humeur, de consentir à rester quelque temps à notre cour, et ainsi, par votre compagnie, vous l'entraînerez vers les plaisirs, et vous réunirez tous les renseignements que vous pourrez glaner à l'occasion pour savoir s'il a quelque sujet d'affliction ignoré de nous, car dès que nous le saurons, nous avons les moyens d'y porter remède. Chers antisames, il parle très souvent de vous. Et je suis sûre qu'il n'y a pas au monde deux hommes à qui il soit plus attaché. S'il vous plaît d'être assez généreux et assez obligeant pour passer quelque temps avec nous, pour nourrir et réaliser nos espoirs, vos bons offices recevront des remerciements dignes de la reconnaissance royale. Et vos majestés, par les droits souverains qu'elles ont sur nous, pourraient commander plutôt que demander. Mais nous obéissons tous deux, et nous nous mettons entièrement à votre disposition. Et nous déposons de grand cœur nos services à vos pieds, et nous attendons les ordres. Merci, noble Rosenkrantz, noble Guildenstern. Et je vous prie instamment de rendre visite à mon fils. Si changé, là. Le ciel fasse que notre présence et nos bons offices lui soient agréables et utiles. Oui. Ainsi soit-il. Nos ambassadeurs sont de retour de Norvège, mon bon seigneur. Et ils paraissent contents. Tu n'apportes jamais que de bonnes nouvelles. N'est-ce pas, mon seigneur? Soyez assuré, mon bon roi, que je tiens mon dévouement comme mon âme à la disposition de mon Dieu et de mon gracieux souverain. Et je crois vraiment... Ou alors cette cervelle-ci n'est plus capable de dépister la vérité avec la sûreté qu'elle avait jadis. Que j'ai découvert la cause même de la folie d'Hamlet. Oh, Parlement! C'est de cela que je voudrais des nouvelles. Donnez d'abord audience aux ambassadeurs. Ma nouvelle sera le dessert du festin. Bien. Soyez les bienvenus, mes chers amis. Parlez, Voltimand. Que nous envoie notre frère de Norvège. Il vous rend de tout cœur vos saluts et vos vœux. Dès nos premiers mots, il envoya l'ordre d'arrêter les enrôlements de son neveu qu'il avait pris pour des préparatifs contre les Polonais. Fortin Bras se soumet. Et enfin, il fait devant son oncle le neveu solennel de ne jamais prendre les armes contre votre majesté. Sur quoi le vieux roi de Norvège lui donne mandat d'employer les soldats qu'il avait élevés contre la Pologne. Et il vous adresse une requête. Exposez ici tout au long qu'il vous plaise d'accorder libre passage sur vos territoires à cette expédition. Ceci nous plaît. Et à tête reposée, nous en prendrons connaissance, nous préparons notre réponse et nous songerons à cette affaire. Allez vous reposer. Cependant, nous vous remercions pour vos peines bien employées. Ce soir, nous festoirons ensemble. Soyez les très bienvenus en notre pays. Voilà une affaire réussie. Monseigneur, et vous aussi, madame, examinez ce que devrait être la royauté, ce qu'est le dévouement, pourquoi le jour est-il le nuit, et le temps. Ce serait simplement gaspiller la nuit, le jour, le temps. Or donc, comme la concision est l'arme de l'éloquence, tandis que la prolixité n'est que son corps et ses agréments extérieurs, je serai concis. Votre noble fils est fou. Fou, je dis fou. Car pour définir la véritable folie, qu'est-ce? Sinon le fait de n'être rien d'autre que fou. Mais n'insistons pas là-dessus. Plus de substance et moins d'art. Madame, je vous jure que je n'y mets point d'art. Qu'il soit fou, c'est vrai. Il est dommage que ce soit vrai. Et c'est dommage. Voilà une amusante figure de rhétorique. Mais je l'abandonne, car je veux parler sans art. Donc, accordons qu'il soit fou. Et maintenant, il reste à définir la cause de cet effet. Ou pour mieux dire, la cause de ce méfait. Car cet effet qui est un méfait provient d'une cause. Et c'est ainsi que la question se pose. Et la réponse, la voici. Pesez-la bien. J'ai une fille qui... Enfin, je l'ai tant qu'elle est à moi. Qui, par devoir et obéissance, faites bien attention, m'a remis ce papier. Et maintenant, écoutez et faites vos hypothèses. La céleste créature et idole de mon âme, la bellissime Ophélie. Voilà une mauvaise expression, c'est une expression vulgaire. Bellissime est une expression vulgaire, ça fait... Il faut que vous attendiez. Dans son sein le plus blanc et le plus beau des seins... C'est Hamlet qui lui écrit ceci. Bonne reine, patientez un instant, je lirai tout fidèlement. Doute si l'étoile est de flamme, doute du soleil et du jour, doute des vérités que l'univers proclame, ne doute pas de mon amour. Oh, ma chère Ophélie, ses vers sont maladroitement tournés. Je n'ai point l'art d'exprimer ma douleur, mais que je t'aime de la façon la plus parfaite, ô toi la plus parfaite, sois-en sûr, adieu. À toi pour toujours, ma très chère dame, tant que me restera ce corps, Hamlet. Voilà ce que par devoir et obéissance m'a remis ma fille. De plus, elle m'a redit en confidence toutes les prières qu'il lui a faites selon le temps, les moyens et le lieu. Mais comment a-t-elle accueilli son amour ? Mais pour qui me prenez-vous ? Pour un homme loyal et honorable. Je le prouverai volontiers, car je parlais ainsi à notre demoiselle. Lord Hamlet étant un prince, il n'est pas pour toi, il faut que cela cesse. Alors je lui prescris de lui tenir sa porte fermée, de ne recevoir aucun message, de n'accepter aucun présent. Mon conseil fut suivi, et elle en recueillit les fruits. Et lui, repoussé pour abréger l'histoire, tomba dans la tristesse, et de là dans le manque d'appétit. De là dans l'insomnie, de là en faiblesse, et de là en déraison. Et par cette dégringolade, dans la folie où nous le voyons radoter en ce moment. Ce qui nous navre tous profondément. Le croyez-vous ? Cela se peut. C'est bien probable. Je voudrais bien savoir si une fois il m'est arrivé de dire catégoriquement c'est ceci, quand c'était autre chose. Pas que je sache. Mais ôtez ceci d'ici si je me trompe. Quand les circonstances me sont favorables, je trouverai la vérité, quand bien même elle serait cachée, au fin fond du centre. Comment pourrions-nous le soumettre à une épreuve décisive ? Vous savez que parfois il se promène pendant des heures dans la galerie. Oui, c'est vrai. Dans l'un de ces moments, je lui lâche ma fille. Vous et moi, en busquant nous derrière une tenture, observons leur rencontre. S'il ne l'aime pas, si ce n'est pas ce qui lui a pris sa raison, je ne me mêle plus de conseiller un roi. Mais je prends une ferme et des paysans. Nous essaierons. Mais regardez, voici la pauvre épave qui vient tristement un livre à la main. Sortez tous deux, je vous en conjure, sortez. Je vais l'aborder sur le champ. Laissez-moi faire. Et comment va Monseigneur Hamlet ? Bien, Dieu merci. Me reconnaissez-vous, Monseigneur ? Parfaitement bien. Vous êtes le marchand de poissons. Moi, Monseigneur ? Pas du tout. Alors, je voudrais que vous fussiez aussi honnête que lui. Honnête, Monseigneur ? Oui, monsieur, un honnête homme. Au train dont va le monde, il y en a 1 sur 10 000. Oh, c'est très vrai, Monseigneur. Car si le soleil peut engendrer des larves dans un chien crevé, une charogne bonne à caresser pourrait... Avez-vous une fille ? Oui, Monseigneur. Ne la laissez pas se promener au soleil. La conception est un bienfait du ciel, mais... pas dans le sens où votre fille pourrait concevoir. Surveillez ça, mon ami. Mais qu'entendez-vous par là ? Mais il a toujours ma fille en tête et pourtant il ne m'a pas reconnu. D'abord, il m'a pris pour le poissonnier. Il est bien parti. Ah, il est bien parti. Mais vraiment, dans ma jeunesse, j'ai souffert de l'amour de telles extrémités. Et bien près de l'état où il est. Il faut encore lui parler. Que disiez-vous, monseigneur ? Des mots. Des mots. Des mots ! Et de quoi est-il question, monseigneur ? Entre qui ? Dans ce que vous lisez, monseigneur. Des médisances, monsieur, car ce faquin de satirique révèle ici même que les vieillards ont la barbe grise, que leur face est toute ridée, que leurs yeux secrètent l'ambre épais et la gomme de prunier, et qu'ils ont une riche absence d'esprit en même temps que le jarret faible. Toutes choses, monsieur, que je crois fermement et profondément, mais je trouve malhonnête de les écrire comme il faut, car vous, vous-même, monsieur, vous seriez de mon âge si vous pouviez, comme l'écrevisse, marcher à reculons. Bien que ce soit là de la folie, il y met quelques méthodes. Voulez-vous vous mettre à l'abri du courant d'air, monseigneur ? Dans ma tombe ? Ah, on y est en effet à l'abri des courants d'air. Comme parfois ses réponses sont pleines. La folie a souvent de ces trouvailles où la raison saine ne pourrait s'exprimer si heureusement. Je vais le quitter, combiné en un clin d'œil une rencontre entre ma fille et lui. Mon cher seigneur, je vais humblement prendre congé de vous. Vous ne seriez, monsieur, rien me prendre que je vous donne aussi volontiers. Acceptez ma vie. Acceptez ma vie. Acceptez ma vie. Portez-vous bien, monseigneur. Que ce vieux fou est à sa mort. Vous êtes à la recherche de Lord Hamley. Le voici. Dieu vous garde, monsieur. Monseigneur, respectez. Mon cher seigneur. Mes excellents amis, comment va-t-il, Guildenstern? Ah, Rosencrantz, mes braves, comment ça va, vous deux? Comme les enfants ordinaires de cette terre. Heureux parce que nous ne le sommes pas trop. Nous ne sommes pas la plume des bonnets de la fortune. Que vous faites à la fortune pour qu'elle vous ait envoyé en prison ici? En prison, monseigneur. Le Danemark est une prison. Ah, nous ne le pensons pas, monseigneur. Alors, ce n'en est pas une pour vous. Car il n'y a rien qui soit bon ou mauvais en soi. Et c'est notre opinion qui fait la valeur des choses. Pour moi, c'est une prison. C'est donc votre ambition qui en fait une prison. Ce royaume est trop étroit pour votre esprit. Oh, mon Dieu. Je pourrais vivre dans une coquille de noix et me croire seigneur d'espaces infinis. N'était que j'ai de mauvais rêves. Ce rêve-là, en réalité, c'est de l'ambition. Car ce que poursuit l'ambitieux, ce n'est que l'ombre d'un rêve. Allons-nous à la cour, car par ma foi, je suis incapable de poursuivre un raisonnement. Nous vous escortons, non, monseigneur. Non, pas, non, pas. Je ne veux pas vous ranger parmi mes gens. Car à vous parler franchement, je suis terriblement escorté. Je vous demande, camarade, que faites-vous, Elsonner? Nous devons vous voir, monseigneur, rien d'autre. Dieu que je suis pauvre même en remerciements. Cependant, je vous remercie. Mais soyez sûr que mes remerciements ne valent pas un denier. Ne vous a-t-on pas fait venir? N'avez-vous suivi que votre désir? Est-ce une visite spontanée? Allons! Allons, usez honnêtement avec moi. Allons, voyons, parlez! Que pourrions-nous dire, monseigneur? N'importe quoi. Mais qui répond à ma question? On vous a fait venir! Mais il y a dans vos yeux une sorte d'aveu que votre pudeur n'arrive pas à dissimuler. Je sais que le bon roi et la bonne reine vous ont fait venir. Mais dans quel but, monseigneur? C'est ce que je vous demande! Oui, là, je l'ai sur vous, si vous m'aimez, parlez! Monseigneur, on nous envoyait chercher. Je vais vous dire pourquoi. Ainsi, j'irai au-devant de vos révélations. Et la discrétion que vous devez au roi et à la reine ne perdra pas une plume. J'ai depuis peu... Pourquoi, je n'en sais rien. J'ai depuis peu perdu toute ma gaieté, délaissé tous mes exercices habituels. Et vraiment, je suis d'une humeur si sombre que cette ravissante création, la terre, me paraît un stérile promontoire. Quel chef-d'œuvre que l'homme! Qu'il est noble en sa raison, infini en ses facultés. Combien harmonieuse et admirable en sa forme et ses mouvements, en ses actes semblables à un ange, et par son intelligence si pareille à Dieu. La merveille du monde, la fleur des êtres. Qu'est-ce pourtant à mes yeux que cette quintessence de poussière? L'homme n'a point de charme pour moi, non? Ni la femme non plus, quoi que votre sourire semble dire. Monseigneur, il n'y a rien de tel dans ma pensée. Alors, pourquoi avez-vous ri quand j'ai dit l'homme n'a point de charme pour moi? Je pensais, monseigneur, que si l'homme n'a point de charme pour vous, vous allez faire un bien piètre accueil aux acteurs. Nous les avons rencontrés sur la route et ils sont ici pour vous offrir leur service. Celui que joue le roi sera le bienvenu. Sa majesté recevra mes hommages. Qui sont ces comédiens? Ceux-là même que vous aimiez tant, les tragédiens de la ville. Les voici, monseigneur. Messieurs, vous êtes les bienvenus, Elsonner, vos mains. La bienvenue se marque par des façons et des cérémonies. Je vais en user avec vous de la sorte, sinon mes politesses envers les comédiens qui, je vous en avertis, doivent être assez voyantes, vous paraîtraient plus amicales que celles que j'ai pour vous. Vous êtes les très bienvenus. Mais mon oncle père et ma tante mère se sont trompés. En quoi, mon cher seigneur? Je ne suis fou que par le vent du nord-ouest-nord. Quand le vent est au sud, je fais très bien la différence entre un faucon et un couteau scie. Dieu vous tienne en joie, attends, messieurs. Monsieur Rosencrantz, et vous aussi, Guildenstern, je prophétise qu'il vient m'annoncer des comédiens. Vous allez voir. Vous disiez bien, monsieur, lundi matin. C'était bien lundi matin, en effet. Monseigneur, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Monseigneur, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Quand reçu jouer la comédie à Rome... Et les comédiens sont arrivés, monseigneur. Sur mon honneur. Arrivés sur votre honneur. Donc chaque acteur vint sur son art. Les meilleurs acteurs du monde pour la tragédie, la comédie, la pièce historique, pastorale, pastoral-comique, tragico-pastoral, historico-pastoral, tragico-comico-historico. Avec les trois unités ou sans les trois unités? Pour eux, c'est des portes tragiques. Pour ce qui est de dire un texte ou d'improviser librement, il n'y a pas comme eux. Oh, chef des juges d'Israël, quel trésor tu avais! Et quel trésor avait-il, monseigneur? Il n'avait qu'une fille, rien qu'une. Mais gentille, qui l'aimait tendrement. Toujours ma fille. N'est-ce pas vrai, vieux Jephté? Puisque vous m'appelez Jephté, monseigneur, j'ai une fille que j'aime tendrement. Mais ça n'est pas la suite. Qu'est-ce alors, monseigneur? Eh bien, mais... Et par hasard, Dieu le savait. Et ensuite, voyez-vous, il arriva soudainement Un très horrible événement. Les premiers couplets de cette pieuse chanson vous en diraient beaucoup plus long, mais voyez, on vient me couper la parole. Messieurs, vous êtes les bienvenus à MCLE. Messieurs, salut à tous. Hey, je suis heureux de te voir en forme. Vous êtes les bienvenus, mes bons amis. Ah, mon vieil ami, ton visage est embarbé depuis que je ne t'ai vu. Tu viens peut-être en Danemark pour rire de moi dans ta barbe. Mes maîtres, bienvenue à tous. Allons. Allons faire comme les fauconniers français qui chassent tout gibier qui se présente. Allons, faites-moi goûter votre qualité. Allons, une tirade enflammée. Mais quelle tirade, mon cher seigneur? Je t'ai entendu un jour dire une tirade qui, d'ailleurs, ne fut jamais dite en scène. Je l'aimais par-dessus tout. C'était le récit d'Aîné à Dinon, et particulièrement l'endroit où il parle du meurtre de Priam. Si tu t'en souviens, comment ça se verre? Attends, attends. Le farouche Pyrrhus. Le tigre d'Hyrcanie. Non, c'est pas ça, attends, pardon, ça commence par Pyrrhus. Pyrrhus, les yeux en feu, lion prêt à bondir, cherche Priam dans les reflets de l'incendie. À toi, continue. Ah, pardieu, seigneur, bien déclamé, avec beaucoup d'accent et une excellente mesure. Le vieux roi, seul, au cœur de cette tragédie, frappait des coups trop courts. Et rebelle, soudain, l'antique estramaçon s'échappe de sa main, tombe dans la poussière. Alors, lutte inégale, Pyrrhus sur cet aïeul fond comme une rafale, dans sa rage farouche et frappant au hasard. L'acier vertigineux n'atteint pas le vieillard, mais il tombe. Oh, faiblesse, au seul vent de l'épée, toi interdite alors, se sent au cœur frappé. Un silence de mort sur tout s'appesantit, et soudain, le tonnerre éclate et retentit. De même après la trêve où sa fureur sommeille, dans le cœur de Pyrrhus, la haine se réveille, son bras cruel s'abat. Le vieillard est gorgé, expire dans son sang à demi submergé. Fortune, honte à toi, catin cruel et vil. Oh Dieu, punissez-la, cette gouge servile. Et puisqu'elle a si mal accompli son devoir, en synode plaignez, ôtez-lui son pouvoir. Puisqu'en des crimes tels, sa cruauté se joue, de ce monstre odieux, délivrez l'univers, brisez sous vos talons les rayons de sa roue et jetez les débris jusqu'au fond des enfers. C'est trop long. Nous l'enverrons au barbier avec votre barbe. Non, je t'en prie, continue. Celui qu'il lui faut à lui, c'est la chanson grivoise ou la gaudriole, sinon il s'endort. Continue. Arrive au passage sur écume. Qui aurait vu, hélas, la reine déguisée? Reine déguisée? Oh, c'est bon, la reine déguisée, c'est bon. Qui aurait vu, hélas, la reine déguisée courir nu-pieds, les yeux pleins d'une humeur salée? Mais si les dieux l'avaient pu voir eux-mêmes quand elle vit Pyrrhus vomissant des blasphèmes contre le roi vaincu, multipliant ses coups, hachait férocement le corps de son époux. Alors, le hurlement que poussa cette reine, s'ils ont quelque pitié pour les choses humaines, des yeux brûlants des dieux auraient tiré des pleurs et dans les cœurs divins fait crier la douleur. Mais voyez s'il n'a pas pâli, il a les yeux pleins de larmes, assez de grâce. C'est bon. Je devrais lire tantôt le reste de la tirade. Mon bon seigneur, voulez-vous veiller à ce que ces comédiens soient bien logés? Vous m'entendez qu'on les traite bien? Car ils sont le résumé et la petite chronique de ce temps. Mieux vaudrait après la mort une épitaphe désobligeante que leur médisance pendant la vie. Monseigneur, je les traiterai selon leur mérite. Morbleu, mon cher, beaucoup mieux. Si l'on traite chacun selon son mérite, qui échappera au fouet? Traitez-les comme l'exige votre propre honneur et votre propre dignité. Emmenez-les. Venez, messieurs. Suivez-le, mes amis. Venez. Nous vous entendrons jouer toute une pièce demain. Mon bon ami. Pourrez-vous me jouer le meurtre de Gonzague? Mais oui, monseigneur. Ce sera donc pour demain soir. Vous pourrez au besoin m'étudier une tirade d'environ 12 à 16 vers que je composerai et que j'intercalerai, n'est-ce pas? Mais oui, monseigneur. Parfait, suivez ce seigneur et tâchez de ne pas vous moquer de lui. Mes bons amis, je vais vous quitter jusqu'à ce soir. Vous êtes les très bienvenus à Elsener. Mon cher seigneur. Oui, oui, Dieu soit avec vous. Me voilà seul. Oh, quel fripon et quel rustre je suis. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien-là, dans une simple fiction, dans le rêve d'une souffrance, ait pu forcer son âme à entrer dans son rôle au point que sa douleur fasse pâlir son visage, des larmes dans les yeux, l'air égaré, la voix brisée, que tout son être s'adapte à son imagination. Et tout cela pour rien, pour Hécube. Qu'est-il à Hécube ? Que lui est Hécube qu'il pleure sur son sort ? Que ferait-il donc s'il avait pour souffrir les motifs que j'ai ? Il inonderait la scène de ses larmes. Il affolerait le coupable, il épouvanterait l'innocent. Il confondrait ceux-là même qui ignorent le crime et frapperait d'une morne stupeur l'essence même de l'ouïe et de la vue. Tandis que moi, pauvre et pété, enlisé, rêvasseur, je me traîne insensible à ma cause et je suis incapable de rien dire. Non. Même pas pour venger un roi dont les biens et la vie chérie furent ravis par un ignoble forfait. Suis-je un lâche? Vous plaît-il de me traiter de drôle? De me fendre le crâne? Tirez-moi donc le bout du nez! Donnez-moi un démenti et rentrez mes mots dans ma gorge! Qui veut s'offrir ça? Parbleu, j'accepte tout. J'ai autant de cœur que de poules mouillées. Et je n'ai pas de fiel pour ressentir l'outrage. Sinon, j'aurais déjà repu tous les 1000 ans de ce pays avec les tripes de ce salaud sanguinaire et vicieux scélérat sans remords. Traître débauché! Oh, vengeance! Eh bien, quel imbécile je suis. Ah, c'est beau, vraiment. Moi, fils d'un père chéri qu'on a massacré, quand le ciel et l'enfer me poussent à la vengeance, je soulage mon cœur par de vaines paroles. Et je me mets à jurer comme une catin, une goton, une boniche. Quoi ? Allons, mon cerveau au travail. J'ai entendu raconter que des coupables, assistant à une pièce, ont été frappés si profondément par l'art du spectacle qu'ils ont sur le champ fait un aveu public de leur crime. Je vais faire jouer par ces acteurs un drame qui ressemble au meurtre de mon père. Ils joueront devant mon oncle. J'observerai ses traits. J'enfoncerai le fer dans la plaie. Si seulement il pâlit, je saurai ce qu'il me reste à faire. L'esprit que j'ai vu, c'est peut-être le démon. Et le démon est capable de prendre une forme que l'on aime, oui, et qui sait? Parce que je suis faible et mélancolique, et qu'il est tout puissant sur des esprits comme le mien, il en abuse peut-être. Pour me donner, il faut que j'aie des preuves plus décisives. Cette pièce est le piège où j'attraperai la conscience du roi. ne pouvez-vous donc, en dirigeant habilement la conversation, tirer de lui le secret de cette incohérence qui trouble si grandement le calme de ses jours par une folie agitée et dangereuse? Il avoue lui-même qu'il se sent détraqué, mais par quelle cause, il ne veut le dire à aucun prix. De plus, nous ne l'avons pas trouvé très disposé à se laisser sonder. Mais avec la ruse des fous, il se dérobe sitôt que nous voudrions l'amener à quelque aveu sur la vérité de son état. Vous êtes-il bien reçu? En gentilhomme. Mais il faisait effort pour contraindre son humeur. Il nous a fait peu de questions, mais à chacune de nos demandes, il a toujours longuement répondu. Avez-vous essayé de le distraire? Madame, il s'est trouvé que nous avons rencontré sur la route certains comédiens. Nous lui en avons parlé, et il a paru ressentir une espèce de joie à cette nouvelle. Ils sont dans le palais, et je crois qu'ils ont déjà reçu l'ordre de jouer devant lui ce soir. Et c'est très vrai, il m'a chargé de supplier vos majestés de voir et d'entendre la pièce. Mais de tout mon cœur, je suis très satisfait d'apprendre qu'il songe à ces choses-là. Mes chers seigneurs, aiguisez ses désirs d'amusement et tournez son esprit vers des plaisirs de ce genre. Nous le ferons, monseigneur. Douce Gertrude, laissez-nous aussi. Car nous avons secrètement fait appeler Hamlet afin que, comme par hasard, il se trouve ici en tête-à-tête avec Ophélie. Son père et moi, espions légitimes, nous allons nous cacher de telle sorte que, voyant sans être vus, nous puissions tirer de leur rencontre des conclusions décisives et savoir s'il souffre vraiment d'un chagrin d'amour. Je vous obéis. Et pour vous, Ophélie, je souhaite que vos charmes soient l'heureuse cause de la folie d'Hamlet. Je pourrais alors espérer que votre pouvoir le ramènera à ses façons d'autrefois. Pour votre honneur à tous les deux. Madame, je souhaite qu'il en soit ainsi. Ophélie! Promène-toi ici. Lis donc ce livre. Cette apparente occupation expliquera ta solitude. Je l'entends venir. Mon gracieux roi, nous allons nous cacher. Est-il plus noble de subir passivement les coups et les traits de l'outrageuse fortune ou de prendre les armes contre un océan d'ennui pour en triompher par la lutte? Mourir. Dormir, rien de plus. Quand on songe que par un sommeil on met fin aux souffrances du cœur et à ces mille accidents qui sont le lot de toute chair. Certes, c'est un dénouement qu'on peut appeler de tous ses voeux. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être. Rêver. Aïe! Ça ne va plus. Car dans ce sommeil de la mort, quels rêves pourrons-nous hanter quand nous sommes débarrassés de la guenille qui nous enserre? Voilà ce qui doit nous faire hésiter, c'est cette considération qui donne si longue vie aux malheureux. Car qui supportera le fouet et le mépris du monde, l'injure du tyran, l'affront de l'orgueilleux, les tourments de l'amour bafoué, les lenteurs de la justice, l'insolence des gens en place et les mépris que des vauriens infligent au mérite résigné? Quand on pourrait, avec une simple dague, se donner à soi-même un éternel repos. Qui voudrait porter ses fardeaux jeunes et suer sous le poids de la vie, sans la peur de quelque chose après la mort? Ce pays inexploré, d'où nul voyageur ne revient jamais. C'est cela qui disloque la volonté, qui nous fait supporter les maux que nous avons, plutôt que fuir vers d'autres que nous ne savons pas. Ainsi, la réflexion fait de l'âge de nous tous. Ainsi, le teint bronzé de l'énergie se fane et pâlit sous la lumière blême de la pensée. Les entreprises importantes et vastes sont détournées de leur cours et perdent jusqu'au nom d'action. Et doucement, voici la belle Ophélie. Nymphe, dans tes prières, que mes péchés ne soient pas oubliés. Je mon cher Seigneur. Comment se porte votre grâce depuis tant de jours? Je vous remercie humblement. Bien, bien, bien. Monseigneur, j'ai des souvenirs de vous que je brûle de vous rendre depuis longtemps. Je vous prie, reprenez-les maintenant. Non, non, pas moi, je ne vous ai jamais rien donné. Mon cher Seigneur, vous savez très bien que vous m'avez fait des présents. Et avec eux, vous m'offriez des paroles faites d'une haleine si douce que ces dons en étaient plus riches. Ils n'ont plus leur parfum, reprenez-les. Car pour une âme délicate, les dons les plus riches perdent leur valeur quand ceux qui les donnèrent ne sont plus gentils. Tenez, mon Seigneur. Ah. Êtes-vous honnête? Monseigneur. Êtes-vous belle? Que veut dire votre Altesse? Que si vous êtes vertueuse et belle, votre vertu ne doit point laisser compter fleurette à votre beauté. La beauté, Monseigneur, peut-elle mieux faire que de fréquenter la vertu? Oui, en vérité. Car la puissance de la beauté aura changé la vertu en putain avant que la force de la vertu n'ait pu transformer la beauté à son image. Ceci était autrefois un paradoxe, mais aujourd'hui nous en voyons la preuve. Je vous ai aimé jadis. En vérité, Monseigneur, vous me l'aviez fait croire. Vous n'auriez pas dû me croire. Car la vertu ne peut si bien greffer notre vieille souche qu'il n'en reste au fruit le goût de novice. Je ne vous aimais pas. Je n'en étais que plus profondément trompée. Va-t'en au couvent. Pourquoi voudrais-tu engendrer les pécheurs? Je suis moi-même à peu près honnête. Et pourtant, je pourrais m'accuser de telles choses qu'il vaudrait mieux que ma mère ne m'eût point conçu. Je suis très fier, vindicatif, ambitieux. Avec plus de crimes à ma disposition que de pensées pour les éloger, d'imagination pour les concevoir ou de temps pour les commettre. Pourquoi y aurait-il des gens comme moi rampant entre le ciel et la terre? Nous sommes de fiefs et grelins, tous. Ne te fie à aucun de nous. Va ton chemin dans un couvent, va. Où est votre père? À la maison, Monseigneur. Fermez bien les portes sur lui, afin qu'il ne fasse l'imbécile ailleurs que dans sa maison. Adieu. Oh, venez à mon aide, ciel miséricordieux. Si tu te maries, je vais te donner comme dot cette vérité empestée. Sois chaste comme la glace, pure comme la neige, tu n'échapperas pas à la calomnie au couvent, va et vite. Ou alors, s'il te faut à tout prix un mari, épouse un imbécile, car ceux qui voient clair savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent et vite, va, adieu. Oh, puissance céleste, rendez-lui sa raison. J'ai entendu parler de vos fards et de vos peintures. Dieu vous a donné un visage, vous en faites un autre. Vous marchez avec des pas de gic. Vous zézillez. Et vous donnez des sobriquets aux créatures de Dieu, la plus dévergondée fait la sainte n'y touche. Allez, allez, n'en parlons plus, c'est ça qui m'a rendu fou. Abby, nous n'avons plus de mariage. Ceux qui sont déjà mariés, ils vivront tous, sauf un. Les autres resteront comme ils sont. Au couvent. Va. Quel noble esprit est ici renversé. Le regard de l'homme de cœur, l'épée du soldat, le langage du savant, lui, la rose et l'espoir de tout ce beau royaume. Le miroir de la mode et le modèle des belles manières. Celui sur qui tous tournaient leur regard. Tombé si bas, si bas. Et moi, la plus triste et la plus misérable des femmes. Moi qui goûtais le miel de ces serments d'amour. Ils me font voir cette raison si noble et si souveraine. Aujourd'hui discordante et fausse. Sonner comme une cloche fêlée, et l'incomparable beauté de sa jeunesse, en fleurs flétries au vent de la folie. Malheur à moi, avoir vu ce que j'ai vu, pour voir ce que je vois. L'amour! Non, c'est pas l'amour qu'il travaille! Ah! Et tout ce qu'il a dit, quoique assez illogique, n'était pas le langage d'un fou. Il a quelque chose dans l'âme que couvre sa folie. Et je crains fort d'en voir éclore quelques dangers. Pour le prévenir, j'ai résolu soudain de procéder ainsi. Il va partir immédiatement pour l'Angleterre, réclamer le tribut trop longtemps négligée. J'espère que les mers et les pays nouveaux, la vue des spectacles variés, chasseront cette chose qui s'est plantée dans son cœur et sur laquelle son esprit frappe sans lâche. Et qu'il rend ainsi méconnaissable, qu'en pensez-vous? Cela lui fera du bien, mais je crois toujours que l'origine et la source de son chagrin, ce fut un amour malheureux. Sire, faites comme il vous plaira, mais si vous le jugez bon, après le théâtre, laissez la reine, sa mère, le supplier en tête à tête de dévoiler la cause de sa fête. Qu'elle lui parle nettement. Moi, s'il vous plaît, je me tiendrai à portée d'entendre leur entretien. Si elle ne peut le faire parler, envoyez-le en Angleterre ou enfermez-le dans un lieu que votre sagesse aura choisi. C'est ce que nous ferons, car la folie des grands doit être surveillée. Va! Dis la tirade, je t'en prie, comme je l'ai dit devant toi, en la faisant danser sur ta langue. Mais ne fends pas l'air à tout propos avec ta main, comme ça. Mais sers-toi avec grâce de tous les gestes. Car au milieu même du torrent de la tempête, et si je peux dire, dans l'ouragan de la passion, il faut obtenir et imposer une mesure qui en fasse l'unité. Oh, il y a des acteurs que j'ai vus jouer, et que j'ai entendu louer par d'autres personnes, et louer hautement, qui, soit dit sans blasphème, n'ayant ni la diction d'un chrétien, ni la tournure d'un chrétien, ni d'un païen, ni même d'un homme, ce pavanais mugissait de la sorte que je les ai cru à l'ouvrage de quelque ignorant manœuvre de la nature qui avait raté sa besogne, tant ils imitaient abominablement l'humanité. J'espère que dans notre troupe, nous avons passablement corrigé ce défaut. Oh, corrigez-le tout à fait, et que ceux qui jouent vos bouffons ne brodent pas sur leur rôle, car il y en a qui se mettent à rire en scène, pour faire rire à leur suite un groupe de spectateurs ignares. Quoique pendant ce temps, il y fallait suivre de près quelques passages indispensables à la compréhension de la pièce. C'est une trahison indigne. Et cela montre une lamentable envie de se mettre en valeur chez l'imbécile qui le fait. Allez, préparez-vous. Eh bien, monseigneur, le roi veut-il entendre notre pièce? Et la reine aussi, et sur l'heure. Ah, ordonnez aux acteurs de se hâter. Oui, monseigneur. Vous aussi les presser? Oui, monseigneur. Acteurs! Eh! Horatio! Me voici, mon cher seigneur, prêt à vous servir. Horatio, tu es vraiment l'homme le plus juste avec qui j'ai jamais eu commerce. Oh, mon cher seigneur. Non, ne crois pas que je te flatte. Car quels avantages pourrais-je attendre de toi qui n'as d'autres ressources que celles de ton esprit pour te nourrir et t'habiller? Pourquoi flatterait-on le pauvre? Écoute-moi. Dès que ma chère âme fut capable de comprendre et fut en état de choisir les hommes, le sceau de son choix est tombé sur toi. Car tu as été un homme qui subit tout, sans souffrir de rien. Vive l'homme qui n'est point l'esclave de la passion, je le porte dans mon cœur, oui, au cœur même de mon cœur. C'est la place que je t'ai donnée. Mais je t'en dis plus que je ne devrais. On joue ce soir une pièce devant le roi. L'une des scènes se rapproche des circonstances de la mort de mon père dont je t'ai parlé. Je t'en supplie. Quand tu verras arriver cet épisode, observe mon oncle en songeant à ce que je t'ai dit. Si son crime caché ne sort pas de sa bouche pendant une certaine tirade, c'est à l'esprit de l'enfer que nous avons vu et mes suppositions sont aussi noires que la forge de Vulcain. Regarde-le avec une attention vigilante. Pour moi, je vais river mes regards sur sa face. Ensuite, nous rapprochons le jugement pour tirer la conclusion de cette attitude. Bien, monseigneur, s'il me dérobe quelques signes pendant la présentation ou s'il met mon observation en défaut, je consens à payer ce qu'il m'aura volé. Ils viennent pour la pièce, il faut que je les rigueux. Choisis bien ta place. Comment se porte notre cousin Hamlet? À merveille, en vérité. Je suis au régime du caméléon. Je me nourris de l'air du temps qui est farci de promesses. On nous pourrait ainsi engraisser des chapeaux. Je ne comprends rien à cette réponse, Hamlet. Ces mots-là ne sont pas pour nous. Non, ni pour moi. Eh bien, monseigneur, vous m'avez dit que vous aviez joué la comédie jeudi à l'université. Oui, je passais pour un bon acteur. Et quel rôle avez-vous joué? Je jouais Jules César. On me tuait au Capitole, c'était Brutus qui me tuait. C'est de sa part un geste bien brutal que de tuer en pareil lieu un si remarquable vauque. Les acteurs sont-ils prêts? Oui, monseigneur, ils attendent votre bon plaisir. Viens ici, mon cher Hamlet, assieds-toi près de moi. Non, ma bonne mère, voici un aimant bien plus puissant. Oh, remarquez-vous cela? Belle dame, m'étendrai-je sur votre sein? Non, monseigneur. Je veux dire la tête sur votre sein. Oui, monseigneur. Avez-vous cru que j'avais une pensée de russe? Je n'ai rien cru, monseigneur. C'est une idée charmante, s'étendre entre les cuisses d'une pucelle. Qu'est-ce qui est une idée charmante, monseigneur? Rien. Vous êtes gai, monseigneur. Qui ça, moi? Oui, monseigneur. Oh, mon Dieu, je suis votre bouffon, voilà tout. Qu'a-t-on de mieux à faire que d'être gai? D'ailleurs, regardez donc comme ma mère a l'air joyeux. Et il n'y a pas 2 heures que mon père est mort. Il y a 2 mois, monseigneur. Si longtemps? Oh, alors que le diable emporte le grand deuil. Pour moi, un bon demi-deuil avec des fourrures. Oh, Dieu, mort depuis 2 mois et pas encore oublié. On peut donc espérer que le souvenir d'un grand homme lui survivra 6 mois. Mais par Notre-Dame, il faudra qu'il ait bâti des églises. Sinon, il sera sûrement oublié. Comme le dada de la chanson. Vous savez ton épitaphe. Oh, ah, ah, il est oublié, le dada. Pour nos acteurs, et pour la pièce qui commence, nous venons ici humblement nous prosterner devant votre clémence et réclamer votre oreille un moment. Est-ce la prologue ou la devise d'une bague? Il est bien court, monseigneur. Comme l'amour d'une femme. Oui, 30 fois déjà. Du terrestre séjour sur son char enflammé, Phébus a fait le tour. 30 fois, 12 fois, une lune argentée versa du haut du ciel sa lumière empruntée, depuis qu'un pur amour et l'hymen solennel unirent nos destins par un nœud éternel. Puis c'est autant de fois le soleil et la lune de nos tendres amours éclairés à fortune. Mais depuis quelque temps, il me semble, oh douleur, que votre teint paraît d'une étrange pâleur. Votre gaieté n'est plus, et ma sollicitude pour mon roi bien-aimé sent d'une inquiétude. Ta crainte, cette fois, n'est que trop légitime. D'un destin sans pitié, je me sens la victime. Oui, mon amour, je sens que je vais te quitter. Un mal sourd et profond altère ma santé, et tu me survivras en cette vie heureuse, honorée, adorée, peut-être amoureuse d'un autre époux. Seigneur, que dites-vous, Seigneur? Un tel amour serait criminel en mon cœur. En un second mari, puissais-je être maudite? Quand, par la dure mort, un tendre époux nous quitte, il emporte avec lui notre cœur tout entier. Qui en prend un second à tuer le premier? Vinaigre, vinaigre. Aujourd'hui, près de moi, tu ne veux pas admettre que l'amour après moi te donne un autre maître. Tu dis, je ne veux pas te reprendre ma foi, mais cette volonté peut mourir avec moi. Que la terre, pour moi, n'ait plus de nourriture. Que je sois en horreur à toute la nature, que le ciel à jamais ne refuse le jour, que mes plus chers espoirs s'effondrent tour à tour, que je n'ai en prison qu'une cellule austère, que les plus noirs malheurs qu'on ait vus sur la terre enserrent mon destin de leur cercle de fer, que je meurs sans prêtre, et que noir et damné, mon âme brûle au fond des gouffres de l'enfer. Si veuve un jour, j'accepte un nouvel immédiat. Si elle manque à son serment... Serment profond. C'est bien. Maintenant, je voudrais dormir jusqu'à ce soir, sous ces ombrages frais. Goûte du doux sommeil, la vertu souveraine. Et que les justes dieux te gardent pour ta reine. Madame, comment trouvez-vous la pièce? Cette dame me fait trop de protestations, à ce qu'il me semble. Oh, mais elle tiendra sa parole. N'y a-t-il rien de choquant là-dedans? Non, non, ce n'est qu'un jeu, absolument rien qui puisse choquer. Quel est le titre de la pièce? La souricière! Comment ça direz-vous par métaphore? Cette pièce représente un assassinat commis à Vienne. Le duc s'appelle Gonzague, sa femme Batista. Vous verrez tout à l'heure, c'est une serenatesse compliquée. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, votre majesté et moi, qui avons la conscience tranquille? Cela ne nous touche pas. Que la rosse écorchée par son harnais tressaille, nous, nous avons le garolis. Celui-ci, Lucianus, le neveu du roi. C'est un bon coryphée, monseigneur. Oh, je pourrais être le montreur de marionnettes et vous faire dialoguer, vous et votre galant. Si je voyais la pantomime des deux pantins. Vous êtes piquant, monseigneur, vous êtes piquant. Je vous en coûterai quelques gémissements si vous vouliez émousser ma pointe. Encore mieux et pire. C'est la formule quand on prend un mari pour le mieux et le pire. Commence, assassin, commence. Laisse là tes derniers grimaces et commence, allons. Le corbeau croissant appelle la vengeance. Mais après, noir dessein, poison encore plus noir, complicité de l'air où nul ne peut me voir. Toi, verbe de minuit et sens scélérat, triplement blasphémé du triple bandicoot, par ta vertu magique et ton filtre puissant, empoisonne sa vie et fait cailler son sang. Vous allez voir tout à l'heure comment l'assassin se fait aimer par la femme de Gonzago. Le roi se lève! Quoi, effrayé par un feu follet? Comment se trouve monseigneur? Arrêtez la représentation! La lumière, partons! Laissons le dame blessé fuir au loin pour pleurer. Un autre tout intact, dans la forêt profonde, l'un dort en paix, quand l'autre veille déchiré, et c'est ainsi que va le monde. Est-ce que cette chanson, mon cher, avec une forêt de plumes et de roses de province sur mes escarpins accrovés, ne me voudrait pas une part dans une troupe d'acteurs? Une demi-part? Une part entière, oui. Autrefois, mon ami très cher, ce royaume eut un roi qu'on appelait Jupiter. Aujourd'hui, Dieu me donne, nous voyons sur son trône un... Faisant. Oh, vous auriez pu trouver la rime. Ah, mon cher Horatio, je parierais 1000 livres que l'on a dit vrai. As-tu remarqué? Parfaitement, monseigneur. Dès qu'on a parlé de poison? J'ai très bien remarqué son attitude. Ah, un peu de musique. Allons, un flageolet! Car si le roi n'a pas aimé la comédie, il est bien probable alors qu'il ne l'aime pas, mardi. Allons, un peu de musique! Monseigneur, accordez-moi un mot d'entretien. J'ai toute une histoire. Le roi, monsieur. Ah, quelle nouvelle de lui? Il est tout seul dans son appartement, bouleversé sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Par la boisson? Non, monseigneur, mais bien plutôt par la ville. Vous feriez preuve d'une plus riche sagesse si vous alliez le dire au médecin. Car si je lui prescrivais moi-même une ordonnance, il ne s'en ferait que plus de bile. Monseigneur, veuillez mettre quelques limites à vos discours et ne sortez pas ainsi brusquement de la question. Je suis apprivoisé, monsieur, parlez. La reine, votre mère, qui est extrêmement abattue, m'a envoyé vers vous. Vous êtes le très bienvenu. Monseigneur, cette courtoisie n'est pas sincère. S'il vous plaisait de faire une réponse raisonnable, je remplirai la mission que m'a confiée votre mère. Sinon, je vous prie de m'excuser, je me retire et tout est dit. Monsieur, je ne puis. Quoi donc, mon cher? Faire une réponse raisonnable, j'ai l'esprit malade. Mais monsieur, toutes les réponses que je puis faire sont à votre disposition. Ou plutôt, selon ce que vous me dites, à la disposition de ma mère. Donc, plus de bavardage et venons au fait. Ma mère, dites-vous? Eh bien, voilà ce qu'elle dit. Votre conduite l'a jetée dans l'étonnement et la stupeur. Oh, fils merveilleux qui peut si fort étonner sa mère. Mais n'y a-t-il rien qui vienne à la suite de cet étonnement maternel? Elle désire vous entretenir dans sa chambre avant que vous n'alliez vous coucher. Nous obéirons à ce désir, fut-elle 10 fois notre mère. Avez-vous autre chose à négocier avec moi? Monseigneur, il fut un temps où vous m'aimiez. Je t'aime encore! Je te le jure par ces deux mains! Mon cher seigneur, qu'est-ce qui vous a jeté hors de vous? Vous vous emprisonnez vous-même si vous refusez de faire partager vos chagrins à vos amis. Le flageolet, montrez donc. Un mot, s'il vous plaît. Pourquoi faites-vous tant de détours afin de n'être pas sous le vent? Comme si vous vouliez me pousser dans un piège. Oh, mon seigneur, si mon zèle est trop hardi, c'est mon affection qui me rend importun. Je n'entends pas très bien ceci. Voulez-vous jouer de cette flûte? Monseigneur, j'en suis incapable. Je vous en prie. Mais croyez-moi, monseigneur, j'en suis incapable. Je vous en prie instamment. Mais je n'y ai jamais touché, monseigneur. C'est aussi facile que de mentir. Commandez ces trous du doigt et du pouce, soufflez avec la bouche, il en sortira d'excellente musique. Regardez-le, voici les clés. Mais je n'en saurais tirer aucun son harmonieux, je n'en sais point là. Eh bien, voyez quelle piètre idée vous avez de moi. Vous voudriez jouer de moi. Et vous donner l'air de connaître mes clés. Vous voudriez faire jaillir mes plus secrètes pensées. Vous voudriez me faire sonner de ma note la plus basse jusqu'à la plus aiguë. Et voyez, il y a beaucoup de musique et une voix remarquable dans ce petit tuyau. Pourtant, vous ne savez pas l'en tirer. Croyez-vous qu'il soit plus facile de jouer de moi que d'une flûte? Prenez-moi pour l'instrument de musique qu'il vous plaira. Vous pourrez m'irriter, mais vous ne jouerez jamais de moi. Dieu vous bénisse, monsieur. Monseigneur, la reine vous demande. Et sur l'heure. Voyez-vous ce nuage qui a presque la forme d'un chameau? Ah, par la sainte messe, il ressemble à un chameau, en effet. À la réflexion, il ressemble plutôt à une belette. Il a le dos d'une belette. Ou d'une baleine. Tout à fait le dos d'une baleine. Par conséquent, je vais aller voir ma mère tout de suite. Ils me rendront complètement fou. Je viens tout de suite. Je vais l'annoncer, monseigneur. Tout de suite, c'est facile à dire. Laissez-moi, mes amis. Voici. L'heure nocturne où dansent les sorcières. L'heure noire où les cimetières brillent de leurs tombeaux ouverts. L'heure où l'enfer lui-même exhale sur le monde un long souffle contagieux. Maintenant, j'aurai le courage de boire du sang tout fumant. Je pourrais accomplir des actions affreuses. celle que le jour ne peut voir sans horreur. Doucement, allons voir ma mère. Oh, mon cœur ne perd pas tout sentiment. Que jamais l'âme de Néron n'entre en cette ferme poitrine. Je veux être cruel, mais non dénaturé. Que chacun de mes mots frappe comme un poignard, mais que mon bras soit désarmé. Que mes discours et mes pensées soient l'un par l'autre démentis. Si cruel que soient les blessures que feront mes mots acérés, veille, veille, ô cœur misérable. Ne laisse pas ma main les rendre irréparables. Je vais un instant rédiger vos lettres d'introduction. Et je veux qu'ils partent avec vous pour l'Angleterre. Les intérêts du royaume ne nous permettent pas de nous exposer aux dangers que ces crises nous font courir à toute heure. Équipez-vous, je vous prie, pour cet urgent voyage. Car nous devons mettre au fer cette terreur qui se promène trop librement. Nous ferons diligence. Sire! Il se rend au cabinet de la reine. Je vais m'embusquer derrière la tapisserie pour écouter l'entretien. Adieu, mon suzerain. Je viendrai vous trouver avant que vous n'alliez au lit pour vous dire ce que je saurai. Merci, mon cher seigneur. Oh, mon crime est pourri. Il pue jusqu'au ciel. Il est frappé de la plus vieille. Et de la première malédiction, le meurtre d'un frère. Priez. Je ne le peux pas. Et pourtant j'en ai l'envie et la volonté. Le sentiment de ma faute plus fort que ma résolution la taille en pièces. Et comme un homme que deux temps chapelle, j'hésite. Je ne sais pas où commencer, je ne fais rien. Mais quoi, si cette main maudite était à jamais épaissie par le sang d'un frère, n'y a-t-il pas assez de pluie purificatrice dans les cieux pleins de pardon pour la rendre aussi blanche que la neige? À quoi servirait la miséricorde si elle ne vient pas au devant du péché? Et qu'est-ce donc la prière si elle n'a cette double vertu de prévenir notre chute ou d'en obtenir le pardon? Tournons nos regards vers le ciel. La faute appartient au passé. Mais quelle forme de prière convient à la situation? Pardonnez-moi mon meurtre abominable. C'est impossible, puisque je jouis encore des choses pour lesquelles j'ai commis le meurtre. Ma couronne, ma propre ambition, ma reine. Peut-on recevoir son pardon quand on garde ce qui fait le crime? Dans les voies corrompues dans ce monde, le crime, de l'or à la main, peut tenir la justice à distance. Souvent, on voit le butin du forfait servir pour acheter le juge. Il n'en est pas de même là-haut, pas de camouflage. Là, nos actions s'étalent telles qu'elles sont. Et confrontées avec nos fautes, force nous est bien de témoigner contre elles. Eh bien donc, que me reste-t-il? Essayons le pouvoir du repentir. Que ne peut-il? Et pourtant, que peut-il pour celui qui peut se repentir? Oh, misérable! Oh, mon cœur noir comme la mort! Oh, pauvre âme, collée à la glu du péché, que tous ses efforts pour reprendre son vol ne font qu'engluer davantage! Ange, venez à mon secours! Tentez quelque chose pour moi! Fléchissez-vous, genoux rebelles. Et toi, mon cœur, que tes fibres d'acier soient tendres comme la chair d'un petit enfant, tout peut encore se réparer. Maintenant, je pourrais faire la chose maintenant qu'il est en prière. Et maintenant, je vais frapper. Si je frappe, il va droit au ciel. Et cela me venger? Voilà qui mérite réflexion. Un scélérat tue mon père. En retour, moi, son fils unique, j'envoie ce même scélérat au ciel. Je serai le payer, le récompenser, non le punir. Il a surpris mon père non préparé avec tous ses péchés épanouis comme les fleurs du mois de mai. Et Dieu seul sait quel compte il faut rendre à cette heure. Je crois qu'il y en a lourd sur le plateau de la balance. Serait-ce donc me venger que de le frapper pendant qu'il purifie son âme? Au moment où il est si bien prêt pour le dernier voyage? Non! Rentre au fourreau, mon épée, réserve-toi pour un coup plus affreux. Quand il dormira d'un sommeil d'ivrogne, ou dans une crise de rage, ou parmi les plaisirs d'un lit incestueux, ou le blasphème à la bouche, ou accomplissant quelque action qui n'eut point le goût du salut, alors frappe-le! Que ses talons ruent au ciel et que son âme soit aussi noire et tannée que l'enfer où il ira tout droit. Ma mère m'attend. Ce répit ne fait que prolonger tes jours malades. Les mots s'envolent. Ma pensée reste ici-bas. Mais les mots sans pensée au ciel ne montent pas. Va venir tout droit. Prenez garde. Que vos paroles le touchent à fond. Dites-lui que ses extravagances sont allées trop loin pour qu'on les tolère. Et que votre grâce, comme un écran, s'est dressée entre le feu d'une grande colère et lui. Je vais me tenir quoi ici même? Je vous en prie, parlez-lui rondement. Je vous le promets, ne craignez rien, retirez-vous. Ma mère. Eh bien, ma mère, qu'y a-t-il? Hamlet, tu as gravement blessé ton père. Ma mère, vous avez gravement blessé mon père. Allons, allons, tu parles d'une langue insensée. Allez, vous interrogez d'une langue coupable. Eh bien, que signifie ceci, Hamlet? De quoi s'agit-il en ce moment? Oubliez-vous qui je suis? Non, par la Sainte Croix, oh non. Vous êtes... la reine. La femme du frère de votre époux. Et plutôt ciel qu'il en fût autrement, vous êtes... ma mère. Bien. Je vais mettre en face de vous des gens qui sauront vous parler. Allons, allons, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas. Vous ne sortirez pas que je ne vous ai présenté un miroir. Vous verrez le plus profond de votre cœur. Que veux-tu faire? Tu ne veux pas m'assassiner? Au secours! Au secours! Ah! Au secours! Voilà! Au secours! Hein? Mort! Ah, du coup, il est mort. Ah! Il m'a tué. Ciel, qu'as-tu fait? Vraiment, je ne sais pas. Est-ce le roi? Quel geste irréfléchi et sanglant! Eh oui, sanglant. Presque aussi méchant, bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère. Tuer un roi? Oui, madame, ce sont bien les mots que j'ai dit. Toi, pauvre sot, téméraire, indiscret, adieu. Tu vois le danger de se mêler de tout. Je t'ai pris pour plus grand que toi. Cessez de vous tordre les mains. Paix! Asseyez-vous que je vous torde le cœur, car c'est ce que je veux faire si ce cœur est pénétrable. Si l'habitude du crime ne l'a pas tellement endurci qu'il soit à l'épreuve de toute émotion. Qu'ai-je donc fait pour que tu aies l'audace de m'insulter si rudement? Un acte qui méprise la grâce et l'incarnat de la pudeur, qui fait de la vertu une hypocrisie, qui arrache la rose du beau front d'un innocent amour pour y incruster un ulcère, qui rend les vœux du mariage plus faux que serment de joueur. Hélas, quelle est l'action qui peut rugir si haut et qui tonne dans ce prologue? Regardez ce tableau, regardez celui-là. Ce sont les portraits de deux frères. Voyez quelle grâce était répandue sur ce front. C'était les boucles d'Apollon, c'était le front de Jupiter lui-même. L'œil, pareil à celui de Mars, pour menacer et commander. Le port de Mercure, quand il se pose sur une cime qui touche le ciel. C'est un assemblage, une forme telle que tous les dieux semblaient y avoir mis leur sceau pour donner aux mortels le modèle d'un homme. Celui-là, c'était votre mari. Regardez maintenant ce qui est à côté. Voilà celui qui est votre mari. Avez-vous des yeux? Vous avez pu cesser de vous nourrir de cette noble et fertile montagne pour vous gaver dans ce marais? Avez-vous des yeux? Vous ne pouvez pas dire que c'est l'amour, car à votre âge, la folie du sang est tombée, il est calme, il attend l'ordre de la raison. Et quelle raison voudrait passer de celui-ci à celui-là? Vous avez des sens, certes, car sans cela vous ne seriez pas animé, mais il faut que chez vous ces sens soient paralysés, car une folle ne s'y tromperait pas. Et vous ne rougissez pas de honte. Enfer rebelle. Si tu peux te révolter au fond des eaux d'une matrone, ah, que la vertu soit des cierges et d'une jeunesse enflammée et qu'elle se fonde à son feu. Ne proclamons plus l'indignité de ceux qu'un rude irrésistible entraîne si la glace elle-même brûle aussi vite et si la raison conduit le désir au bordel. Hamlet, ne parle plus! Oui, tu tournes mes yeux sur les fonds même de mon âme. J'y vois des taches si noires, si profondément incrustées, que rien ne les fera pâlir. Certes. Mais vivre dans la sueur fétide d'un lit graisseux, mijoter dans la pourriture, faire l'amour avec des milliardises sur un écœurant fumier. Oh, ne me parle plus! Tous ces mots comme des poignards me percent les oreilles. Assez, mon âme léchée! Un assassin, un scélérat, un valet qui ne vaut pas le centième de votre premier époux, un roi de Guignol, un coupeur de bourse qui a filouté le sceptre et le pouvoir, qui vola sur une étagère la précieuse couronne et qui l'a mise dans sa poche. Merci. Un roi? Un arlequin, oui? Protégez-moi et couvrez-moi de vos ailes ouvertes, céleste gardien. Que voulez-vous de moi, image vénérée? Viens-tu réprimander la lenteur de ton fils, qui, ligoté de liens terrestres, néglige l'importante exécution de ton ordre terrible? Parle! Ceci n'a pour but que déguiser comtesse Prescimsi. Mais regarde, la stupeur s'accroupit sur ta mère, intervient dans la lutte qu'elle livre à son âme. Ce sont les corps les plus faibles que l'imagination travaille le plus fortement. Parle-lui, Hamlet. Comment vous sentez-vous, madame? Comment te sens-tu toi-même? Tu regardes intensément le vide et tu parles avec l'air immatériel. Ton âme tout entière semble sortir par tes yeux farouches. Oh, mon cher fils, sur l'ardeur et la flamme de ta colère, jette l'eau fraîche de la patience. Et que regardes-tu? Lui, voyez comme il est pâle et comme ses yeux brillent. Son aspect et sa cause rendraient sensible des pierres. Ne me regarde pas! Ton regard si triste changerait les effets de ma résolution. Ce que je dois répandre perdrait sa vraie couleur, des larmes peut-être au lieu de sang. Qui dis-tu cela? Ne voyez-vous rien, là? Rien, absolument. Et pourtant, je vois tout ce qui s'y trouve. Vous n'avez rien entendu? Non, rien, que nos voix. Mais regardez donc, là, voyez comme il s'en va d'un pas silencieux. Mon père, il dans sa vie, regardez. Le voici en ce moment même qui franchit la porte. Mais c'est ton cerveau qui forge ces visions, ces créations d'images sans corps. Le délire excelle à les produire. Le délire. Mon pouls comme le vôtre bat très normalement. Il bat à la mesure de la santé. Mes paroles n'étaient pas celles d'un fou. Mettez-moi donc à l'épreuve. Au lieu de divaguer comme un fou, je répondrai mot pour mot toute la scène. Ma mère. Pour l'amour de la grâce, ne bercez pas votre âme de cette illusion consolante que ce n'est pas votre faute qui parle, mais ma folie. Confessez-vous au ciel, Repentez-vous des fautes du passé, évitez celles de l'avenir. Oh, Hamlet, tu m'as fendu le cœur. Ah, jetez-en la pire moitié et vivez plus pur avec l'autre. Mais ne courez pas au lit de mon oncle. Si vous n'êtes point vertueuse, faites au moins semblant de l'être. Abstenez-vous cette nuit. Cela rendra plus facile la prochaine abstinence. La suivante coûtera moins encore, car l'habitude peut presque changer l'empreinte de la nature et dompter le démon, ou l'expulser avec une miraculeuse puissance. Bonne nuit. Quand vous sentirez renaître le désir de la bénédiction du ciel, je vous demanderai la vôtre. Quant à ce seigneur-ci, je regrette ce que j'ai fait. Mais il a plu au ciel de me punir par lui et lui par moi, et que je sois son fouet et son exécuteur. Je vais le mettre à l'abri, et je répondrai de sa mort. Ainsi, encore une fois, bonne nuit. Je dois être cruel, mais c'est pour être tendre. Ainsi, les malheurs commencent et le pire est encore à venir. Encore un mot, madame. Que faudra-t-il que je fasse? Rien, surtout, de ce que je vous ai ordonné. Que ce roi bouffi vous entraîne encore vers sa couche. Qu'il vous pince mignardement les joues. Qu'il vous appelle mon rat. Et en échange de deux baisers puants ou de quelques chatouilles sur votre nuque, qu'il vous fasse deviner toute l'histoire. Et que je ne suis pas fou réellement, mais seulement par ruse. Vous ne feriez pas mal de lui apprendre, car comment une reine belle, sensée et sage pourrait-elle devant un vampire, un crapaud, un vieux chat, cacher de si importants secrets? Quelle est celle qu'il ferait? Sois assuré que si les paroles sont faites de souffle, et si le souffle c'est la vie, je n'aurai point de vie pour révéler ce que tu m'as dit. Je dois partir pour l'Angleterre, vous le savez. Et là, je l'oubliais. La chose est décidée. Mes deux camarades d'études à qui je me fie comme à deux vipères sont porteurs de l'ordre. Ils doivent déblayer ma route et me conduire vers quelque trahison. Laissons faire. La mort de cet homme va faire boucler mes bagages. Traînons son cadavre dans la pièce à côté. Mère, bonne nuit. En vérité, maintenant, ce vieillard est singulièrement calme. Et discret et grave. Lui qui ne fut qu'un drôle et qu'un sot babillard. Allons, monsieur, il faut en finir avec vous. Bonne nuit. Mais... Bien mis à l'abri. Hamlet! Hamlet! Oh, Hamlet! Qui appelle Hamlet? Ah, oui, c'est... Monseigneur, qu'avez-vous fait du cadavre? Mêlé à la poussière dont il est né. Dites-nous où il est que nous allions le prendre pour le porter à la chapelle. Ne croyez pas ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, monseigneur? J'en puis en faire à votre tête, et non à la mienne. En outre, quand c'est une éponge qui l'interroge, que pourrait lui répondre un fils de roi? Vous prenez pour une éponge, monseigneur? Oui, monsieur, qui absorbe tout le sucre du roi. Ses faveurs, ses récompenses, l'autorité qu'il peut donner. Mais de tels serviteurs, c'est à la fin qu'ils rendent au roi le plus de service. Il les garde comme un singe dans ses bajoux. Les premiers dans la bouche, ils sont avalés les derniers. Quand il a besoin de ce que vous avez glané, il n'y a qu'à vous presser, éponge, et vous serez sèche. Ta mort. Monseigneur, je ne vous comprends pas. Tant mieux, une parole astucieuse n'a point de sens pour l'oreille d'un sot. Monseigneur, il faut nous dire où est le corps et venir avec nous devant le roi. Le corps est avec le roi, mais le roi n'est pas avec le corps. Le roi est une chose. Une chose, monseigneur. Sans valeur aucune, conduisez-moi devant lui. Le renard est caché que tout le monde cherche. Eh bien, qu'est-il arrivé? Il a caché le corps, si nous ne pouvons le lui fermer. Mais lui, où est-il? Eh bien, Hamlet, où est Polonius? À dîner. À dîner? Où? À une table où il ne mange pas. Mais où il est mangé. Une certaine assemblée de vers politiques est après lui. Le vers, c'est l'unique empereur de la mangeaille. Nous engraissons tous les animaux pour nous engraisser. Et nous nous engraissons nous-mêmes pour les asticots. Un roi gras et un mendiant maigre ne font que deux plats différents. Deux services pour la même table, voilà tout. Hélas, hélas. On peut pêcher avec l'asticot qui a mangé du roi et manger du poisson qui a mangé de ce vers. Veux-tu dire par là? Rien. Mais je vous montre comment un roi peut faire un tour dans les tripes d'un mendiant. Où est Polonius? Au ciel! Envoyez-y voir. Si votre messager ne l'y trouve pas, allez vous-même le chercher dans l'autre compartiment. Mais sûrement, si vous ne l'avez pas trouvé avant un mois, votre nez vous le signalera quand vous remonterez la galerie. Allez-y chercher! Oh, il vous attendra! Hamlet, cette action... Pour ta propre sécurité que nous avons à cœur, comme nous avons beaucoup de chagrin de ce que tu as fait, exige ton départ précipité, donc prépare-toi. Le navire est prêt, le vent favorable, tes compagnons sont là. Tout est arrangé pour ton départ en Angleterre. Oui, Hamlet. Bien. C'est ce que tu dirais de meilleur cœur encore si tu connaissais mes desseins. Je vois un ange qui les voit. Allons, partons pour l'Angleterre. Adieu, ma chère mère. Ton père affectueux, Hamlet. Ma mère. Le père et la mère sont mari et femme. Mari et femme ne font qu'un. Donc, ma mère. Allons, bon l'Angleterre. Suivez-le, pas à pas. Hâtez-vous de l'embarquer, point de retard. Je veux qu'il soit parti ce soir en route. Car tout ce qui concerne cette affaire est écrit et scellé. Hâtez-vous, je vous prie. Et toi, roi d'Angleterre. Si tu tiens à mon amitié, tu feras bien de ne pas dédaigner notre ordre souverain qui est formellement, comme nos lettres t'en conjurent, de mettre à mort Hamlet sur le champ. Obéis, Angleterre! Tant que je ne saurai pas que la chose est faite, il n'y aura pas de joie pour moi. Libre passage pour une marche quand on lui a parlé à travers ses états. Vous savez où nous allons. Si sa majesté veut nous recevoir, nous lui présenterons nos devoirs en personne. Dites-le-lui. Je le dirai, monseigneur. Alors, en silence. Mon bon ami. À qui sont ces troupes? Au roi de Norvège, monsieur. Quel est le but de l'expédition? Nous allons attaquer la Pologne, monsieur. Qui les commande? Le neveu du roi de Norvège, Fortin Bras. Attaquez-vous la Pologne elle-même ou est-ce une marche frontière? En vérité, sans rien exagérer, nous allons conquérir quelques arpents de terre qui ne peuvent donner d'autre profit que la gloire de leur conquête. Auprès de 5 ducats, 5, je ne voudrais pas les louer. Et ils ne rapporteront pas plus ni à la Pologne ni à la Norvège, même comme prix de vente. Alors les Polonais ne les défendront pas? Oh, que si! Ils y ont déjà mis une garnison. 2000 hommes et 20 000 ducats vont donc débattre le sort de ce fétu de paille. Voilà l'abcès que cause la richesse et la paix abcès qui crève en dedans. Et du dehors, on ne voit pas pourquoi le malade crève lui-même. Je vous remercie humblement, monsieur. Dieu soit avec vous, monsieur. Voulez-vous que nous partions, monseigneur? Je vous rejoins tout de suite. Passez devant. Comme la moindre occasion m'accuse. Comme tout est prône m'attraînant de vengeance. Qu'est-ce qu'un homme? Si son souverain bien et l'emploi de son temps ne sont que dormir et manger. Une bête, pas plus. Or, soit oubli bestial, soit scrupule de poltron, je ne sais pas pourquoi je vis encore pour dire il faut faire cette chose, puisque j'ai la cause, la force, la volonté et les moyens de la faire. Quel est donc mon personnage, moi? Fils d'un père assassiné, d'une mère déshonorée. Enflammé par ma raison et par mon sang, je ne fais rien. Tandis qu'à ma honte, je vois 20 000 hommes qui marchent à la mort pour une illusion, une gloriole. Qui vont à leur tombe comme on va au lit. Vont se battre pour un terrain, ils n'ont pas la place de se battre. Où l'on ne peut creuser une tombe assez grande pour contenir les morts. Or, à partir de cet instant même, si je ne pense pas au meurtre, il vaudrait mieux ne plus penser. Je ne vais pas lui parler. Elle est insupportable, elle est même folle. Son état mérite quelque pitié. Que veut-elle? Elle parle beaucoup de son père. Elle dit qu'il y a des pièges dans le monde, elle se frappe la poitrine. Elle dit des paroles ambiguës, ses propos ne signifient rien, mais il serait bon de lui parler. Faites-la entrer. Oh, mon âme malade. Malade de son crime. Chaque incident paraît le prologue d'une catastrophe. Où est la toute belle majesté danoise? Eh bien, qui est-il, Ophélie? À quoi le reconnaît-on, cet amant de bon courage? Au chapeau de coquillage, aux sandales, au bourdon. Hélas, douce fille, que veut dire cette chanson? Il est mort pour nous, ma chère! Il est mort pour nous! À sa tête, trois brins d'herbe, à ses pieds, un gros caillou. Oh, oh. Mais Ophélie! Je vous en prie, écoutez-moi! Son linceul blanc comme l'air était couvert de fleurs. Là, voyez, Seigneur. Et tous les gens du cortège l'ont arrosé de leurs pleurs. Comment va Ophélie? Bien! Que Dieu vous garde! La chouette, dit-on, était la fille du boulanger. Mon Dieu! Nous savons ce que nous sommes, mais non pas ce que nous pouvons devenir. Que le Seigneur soit à votre table. Elle pense à son père. De grâce, n'en parlons plus! Mais si l'on vous pose des questions, répondez ceci. Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. L'amour est notre maître. Et moi, dans le tendre matin, je viens sous ta fenêtre. la porte à l'instant. Ô chère belle, entre à pucelle, n'était plus pucelle en sortant. Douce Ophélie. Préventable, soi-disant blasphémie, je vais la dire jusqu'au bout. Hélas, qu'as-tu donc fait de moi? Mais c'est une infamie. Les garçons, ma foi, ne sont pas de bois, chère petite amie. Mais avant de me culbuter, tu parlais mariage. Il répond, oui, oui, en effet, et je l'aurais fait, si tu avais donc pu cela. Depuis quand est-elle ainsi? J'espère que tout ira bien. Il faut de la patience. Mais je ne puis me tenir de pleurer. Quand je pense qu'il a fallu le coucher dans la terre froide. Mon frère le sera! Et ainsi, je vous remercie bien de votre bon conseil. Allons, mon carrosse. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mes très chères dames. Bonsoir. Bonsoir. On la suit de près, on la surveille bien, je vous prie. Poison de la douleur. Tout vient de la mort de son père. Oh, Gertrude, Gertrude, un malheur ne vient jamais seul. Dieu, quel est ce bruit? Où sont mes gens? Qu'ils défendent ma porte! Fuyez, sire! L'océan, quand il envahit ses rivages, ne dévore pas la terre avec une hâte plus sauvage que le jeune Laerte, à la tête d'une foule en émeute, ne renverse vos gens! La canaille appelle Seigneur, et comme si le monde ne devait commencer que demain, il crie, choisissons-le, la Laerte sera roi, les chapeaux, les voix, les mains portent ce cri jusqu'aux nuages, la Laerte sera roi, la Laerte roi. Mais ça va joyeusement sur une fausse piste, vous avez pris le contre-pied, mauvais chat danois. Les portes ont cédé. Rends-moi mon père! Oh, misérable roi! Rends-moi mon père! Du calme, mon lait! La moindre goutte de mon sang qui serait calme proclamerait que je suis un bâtard et que mon père est un cocu et imprime mon fer rouge à marteler de putain sur le pur et chaste front de ma loyale mère! Pour quelle raison Laerte, la révolte prend-elle ses airs gigantesques? Laissez-le, Gertrude, ne canne rien pour n'entendre personne! Dis-moi, Laerte, pourquoi tu es ainsi furieux? Laissez, Gertrude! Parle, mon ami! Où est mon père? Mort! C'était pas lui qui l'a fait! Laissez-le questionner à son aise! Comment est-il mort? Je ne me laisserai pas jouer! Au diable ma fidélité! Au diable mon serment! Conscience, vertu! Au plus profond de l'abîme, je défie l'enfer. J'en suis à ce point que je me moque de ce monde comme de l'autre. Advienne que pourra. Mais je veux me venger pleinement de la mort de mon père. Qui peut s'y opposer? Ma volonté, mais rien d'autre au monde. Bon, bon, Laerte, si tu veux savoir la vérité sur la mort de ton père chéri, est-il écrit dans ta vengeance que comme un joueur qui veut prendre toutes les mises, tu dois emporter à la fois amis et ennemis, gagnants et perdants. Je n'en veux qu'à ses ennemis. Veux-tu donc faire la différence? À ses bons amis, j'ouvre mes bras tout grand. Bien! Maintenant, vous parlez en vrai fichant, bon gentilhomme, que je sois innocent de la mort de votre père et que j'en sois profondément affligé, vous le verrez aussi clair que vos yeux voient le jour. Vous voyez l'air? Qu'est-ce donc? Oh, rose de mai! Chère Vierge, tendre sœur, douce Ophélie, oh ciel! Est-il possible que l'esprit d'une jeune fille soit périssable autant que le corps d'un vieillard? Vous le portez sur la sœur, Si tu avais ta raison pour me crier « Vengeance !», tu ne pourrais m'émouvoir autant. Il faut chanter Turelure, il faut l'appeler Lola. Oh, comme leur frein lui va bien. C'est l'intendant perfide qui enlève la fille de son maître. Du romarin, c'est pour le souvenir. Je t'en prie, mon amour, souviens-toi. Et voilà des pensées. C'est pour qu'on y pense. Voilà pour vous. Une quenouille et des colombines. Voilà pour vous. Du souci. Bien, voilà un peu pour moi, mais vos soucis ne sont pas les miens. Voilà une pâquerette. Je voulais vous donner des violettes, mais elles se sont toutes fanées quand mon père est mort. On dit qu'il a fait une bonne fin, car c'est le gentil Robin qui fait toute ma joie. Le souci, la douleur, la colère, l'enfer même, elle leur donne de la grâce et de la gentillesse. Reviendra-t-il jamais plus? Reviendra-t-il jamais plus? Il est mort, pauvre chéri. Va te coucher pour mourir. Non, il ne reviendra plus. Sa barbe est d'un blanc neigeux et son jaune, ses cheveux. Il est parti, oui, parti, et nous pleurons tous pour lui. Pitié pour lui, oh mon Dieu. Et pour toutes les âmes chrétiennes, je vous en prie, mon Dieu. Le ciel soit avec vous. Oh mon Dieu, voyez-la. Laissez-moi prendre part à votre douleur, sinon vous seriez injuste envers moi. Retirez-vous. Faites choix parmi vos amis les plus sages de ceux que vous voudrez. Ils nous entendront. Et ils jugeront entre vous et moi. J'accepte. Comment il est mort? Ses funérailles secrètes. Sa tombe sans trophée, sans épée, sans blason, sans le rite dû à sa noblesse, sans la pompe habituelle. Tout cela crie de la terre au ciel. Et il faudra m'en dire la vérité. Tu la sauras. Et là où est le crime, lâche ton bras. Eh bien, quelle nouvelle? Des lettres, sire d'Hamlet. Celle-ci pour votre majesté, celle-ci pour la reine. Des lettres d'Hamlet, qui les a apportées? Des marins, sire, dit-on. Je ne les ai pas vues. C'est Claudio qui me les a remises. Il les avait reçues de celui qui les apporta. Laër, tu vas en entendre la lecture. Laissez-nous. Très haut et très puissant. Vous saurez que me voici jeté tout nu sur votre royaume. Demain, je vous demanderai la permission de voir votre royal visage. Alors, après vous avoir demandé pardon, je vous raconterai les circonstances de mon retour si subi et encore plus étrange, Hamlet. Que veut dire ceci ? Sont-ils tous revenus ou bien est-ce quelque mensonge qui ne repose sur rien? Reconnaissez-vous l'écriture? C'est celle d'Hamlet. Lui! Et dans un post-scriptum, il dit seul! Pouvez-vous m'aider à comprendre? Je m'y perds, sire. Et qu'il revienne! Cela réchauffe mon cœur malade. Penser que je vivrai pour crier sur son visage. Voilà ce que tu as fait! Il en est ainsi, Laërt. Et comment serait-il autrement? Mais pourtant... Comment serait-il ainsi? Voulez-vous vous laisser guider par mes conseils? Oui, sire! pourvu que vous ne me forciez pas à faire la paix avec lui. C'est un propre père que je te donnerai. S'il est revenu à cette heure pour échapper à ce voyage et refuser de partir, je saurai le pousser à un exploit dont le plan est tout prêt et sous lequel il ne pourra que succomber. Et pour sa mort, aucun vent de blâme ne soufflera. Et sa mère elle-même n'accusera pas le complot, mais l'appellera accident. Sire, guidez-moi. Surtout si vous pouvez arranger votre plan de telle sorte que j'en sois l'instrument. À merveille. Depuis vos voyages, quelqu'un a beaucoup parlé de vous devant Hamlet. Pour un talent pour lequel vous brillez, dit-on. L'ensemble de tes qualités ne doit pas inspirer autant d'envie que ce seul talent, qui est à mon avis d'un ordre inférieur. Quel est ce talent, sire? Il y a 2 mois, vint un gentilhomme normand. Il nous fit un rapport si élogieux sur votre art et votre habitude de l'escrime, surtout de la rapière, qu'il s'écria « Quel beau spectacle ! Si l'on pouvait trouver un adversaire digne de lui, maintenant, cela nous permet... » Quoi, monseigneur ? Que veux-tu entreprendre pour te montrer le fils de ton père et par des actes, plus que par des paroles ? Je lui couperai la gorge jusque dans l'église. Nous donnerons le mot à des gens qui vantèrent votre supériorité et qui mettront un double vernis sur la réputation que le français vous a faite. Enfin, nous vous mettrons en présence. Et nous échangerons des paris sur vos têtes. Lui, qui ira de franc jeu, sans arrière-pensée et libre de tout soupçon, n'examinera point les fleurets, si bien que très facilement, ou par une tricherie, vous choisirez un fleuret démoucheté, et par une botte à droite, vous lui ferez payer la mort de votre père. J'accepte. Et dans ce but, j'empoisonnerai l'épée, en sorte que si je le touche légèrement, ce soit la mort. Pensons plus longuement à cette affaire. Choisissons l'heure et les moyens qui peuvent le mieux faire réussir notre plan. Doucement. Voyons un peu. Nous ferons un pari solennel sur votre science respectée. J'y suis. Lorsque par le mouvement de l'assaut vous serez échauffé et altéré, et vous aurez soin de tirer vivement pour en arriver là, s'il demande à boire, je lui aurai fait préparer une coupe pour l'occasion et qu'il y trempe seulement ses lèvres dans le cas où il aurait eu la chance d'éviter votre piqûre empoisonnée, et notre but sera atteint. Un malheur vient toujours sur les talons d'un autre, tant ils se suivent de près. Notre sœur s'est noyée, Laerte. Noyée ? Où ? Au bord d'un ruisseau, croit un sceau, l'oblique qui mire ses feuilles d'argent dans la vitre de l'eau. C'est là qu'elle vint, avec ses guirlandes fantasques de renoncules, d'orties, de marguerites. Et de ces longues fleurs pourprées qu'on appelle les doigts de mort. Là, comme elle montait à ce saule pour suspendre au rameau pendant sa couronne verte et fleurie, une branche jalouse se rompit. Et voici qu'elle tombe avec ses trophées de verdure dans l'eau sanglotante. Ses robes se gonflent. Et comme une sirène, elle la soutint un moment. Alors elle chantait des bouts de vieilles chansons comme quelqu'un qui ne comprend pas sa détresse. Ou comme une créature née dans cet élément. Mais bientôt ses vêtements alourdis par l'eau tirèrent la malheureuse du haut de son chant mélodieux jusqu'au fond de la mort boueuse. Elle s'est donc noyée. Noyée. Adieu, sire. J'ai dans le cœur des mots qui jailliraient volontiers en flammes. Mais cette sotte faiblesse les éteint. Suivons-le, Gertrude. Combien j'ai eu à faire pour calmer sa rage. J'ai peur que ce nouveau malheur ne la rallume. Suivons-le. Doit-on accorder la sépulture chrétienne à celle qui volontairement est allée vers la mort? Je te dis que oui. Et par conséquent, creuse sa fosse tout de suite. Le commissaire a fait son enquête et il a dit sépulture chrétienne. Comme ça. À moins qu'elle ne se soit noyée en cas de légitime défense. Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Ça doit être un cas de légitime défense, ça peut pas être autrement. Car voilà le point, si je me noie volontairement, c'est donc un acte. Et un acte se divise en trois branches, agir, faire, terminer. Donc elle s'est noyée volontairement. Écoute un peu, compère. Laisse-moi parler. L'eau est ici, bon. L'homme est ici, bon. Si l'homme va assez tôt et se noie, c'est donc il n'y a pas un tortillier qui est allé, remarque bien ça. Mais si c'est l'eau qui vient à lui et le noie, ce n'est plus lui qui est allé. Donc celui qui n'est pas responsable de sa propre mort n'a pas volontairement raccourci sa vie. C'est-il dans la loi ? Tiens, parbleu, je crois bien la loi de l'enquête du commissaire. Veux-tu que je te dise la vérité ? Si ça n'avait pas été une femme du grand monde, on n'y aurait pas donné la terre sainte. Ouais, tu l'as dit. Et c'est tout de même malheureux que ceux de la noblesse aient la permission sur la terre de se pendre ou de se noyer plus que les autres chrétiens. Allons, ma pioche, il n'y a pas de vieille noblesse. Sauf les terrassiers, les jardiniers et les fossoyeurs. Ils continuent le métier d'Adam. C'était un gentilhomme ? Tiens, parbleu, je crois bien. C'est le premier au monde qui a eu un champ. Tu sais bien qu'on dit sur champ d'azur, sur champ de gueule. Tu sais ça ? Ouais, et puis après ? Mais tu veux donc pas comprendre les Écritures, c'est un vrai païen alors. L'Écriture dit qu'Adam piochait. Comment pouvait-il piocher s'il n'avait pas eu de champ ? Tiens, je vais te poser une autre question. Si tu réponds pas du premier coup, là tu avoueras que tu es... Vas-y ! Qu'est-ce qui construit plus solide que le maçon, le constructeur des navires ou le charpentier ? Le constructeur de gibet, car ce bâti-là survit à 1000 locataires. C'est pas bête, ma parole. Le gibet, c'est bon. Mais bon pour qui ? Bon pour qui fait du mal ? Or, tu fais mal de dire que le gibet est plus solide que l'église. Donc le gibet est bon pour toi. Et c'est donc encore un coup. Qu'est-ce qui construit plus solide que le maçon, le constructeur de navires ou le charpentier ? Ouais, dis-moi ça, je te fous la paix. Oh, bon Dieu, ça y est ! Vas-y ! Ah, bon Dieu, ça y est, pas ? Ne creuse pas la tête, ben. On a beau rocher la bourrique, elle avance pas plus vite pour ça. Et la première fois qu'on te posera cette question, on répond le fossoyeur. Les demeures qu'il creuse durent jusqu'au jugement dernier. Viens, va donc jusqu'au bistrot me chercher un petit coup de blanc. Autant jadis, l'amour me faisait voir la vie en rose pour raccourcir les jours. Eh bien, la plus douce chose. Ce gaillard-là n'a donc plus conscience de ce qu'il fait. Il chante en creusant des tombes. L'habitude lui rend la chose naturelle. Oui, certainement. C'est la main qui travaille peu qui a la sensibilité la plus délicate. Je vins ta pas de vol, m'a mis dans sa serre, m'a volé ma jeunesse en fleurs, m'a mis dedans la terre. Ce crâne avait une langue. Mais il savait chanter jadis. Mais c'est drôle, on va rouler par terre comme si c'était le crâne de Caïn qui commit le premier meurtre. C'est peut-être la caboche d'un fin politique, qui est maintenant moins que cet imbécile, d'un diplomate qui roulait le bon Dieu. Hein? C'est possible. Oui, sans aucun doute. Et maintenant, il appartient à M. Levert. Il n'a plus de mâchoire, et la pioche d'un fossoyeur le cogne sur la coupole. Voilà un beau changement, si nous avions l'esprit de le voir. Ces os ont-ils coûté si peu à former qu'on s'en serve maintenant pour jouer aux quilles ? Les miens me font mal rien que d'y penser. La pioche est la pelle, la pelle, un drapeau sous la seule fosse d'argile, tu es belle, l'invité y sera tout seul. Je vais parler à cet homme. À qui est cette fosse, Caro ? À moi, monsieur! On pourrait en effet jurer qu'elle est à toi, puisque ton affirmation elle-même est fausse. Et vous, monsieur, votre idée n'est pas fausse, donc la fausse n'est pas à vous. Moi, je sais que la mienne est fausse, par conséquent, la fausse est mienne. Pourquoi donc es-tu cimenteur? Mais c'est pour cimenter, monsieur. Continuez, de vous à moi, je vous en dirai d'autres. Pour quel homme la creuses-tu? Ce n'est pas pour un homme, monsieur. Pour quelle femme, alors? Ce n'est pas pour une femme. Qui doit y être enterré? Quelqu'un qui fut une femme, monsieur, mais plein son âme, elle est morte. Combien c'est drôle et précis. Depuis quand es-tu fossoyeur? De tous les jours d'année, j'ai commencé le jour même que le feu roi vainquit Fortinbras. Ça fait combien d'années? Vous savez pas, le premier couillon venu vous le dira. C'est ce jour-là même que naquit Hamlet, le jeune, celui qui est fou qu'on envoyait en Angleterre. Oui, là. Et pourquoi l'a-t-on envoyé en Angleterre? Ah, parce qu'il est fou là-bas, il guérira. Et s'il ne guérit point là-bas, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance là-bas, ils sont tous aussi fous que lui. Comment est-il devenu fou? Bien drôlement, dit-on. Comment drôlement? Ma foi, en perdant l'esprit. Mais sur quel terrain? Ma foi, ici, en Danemark. Je suis fossoyeur depuis mon enfance, ça fait 30 ans. Combien de temps un homme met-il à pourrir? Ma foi, s'il n'est pas pourri avant sa mort, car nous avons ici beaucoup de morts de grosses véroles qui tiennent tout juste le temps de les enterrer, il durera dans les 8 ou 9 ans. Tenez, voilà un crâne. Ce crâne-là est resté dans la terre 23 ans. C'est le crâne de qui? D'un cochon de fou. Qui croyez-vous que c'était? Enfin, je ne sais pas. La peste du fou. Un jour, il m'a versé sur la tête une bouteille de vin du Rhin. Ce crâne-là, monsieur, c'était le crâne de Yorick, le bouffon du roi. Celui-ci? Parfaitement. Monte. Hélas. Pauvre Yorick. Je l'ai bien connu, Horatio. Un garçon qui plaisantait avec un esprit infini, qui avait une fantaisie merveilleuse. Il m'a porté 1000 fois sur son dos. Ici s'attachaient ses lèvres que j'ai souvent baisées. Et maintenant, comme il fait horreur à mon imagination, il me soulève le cœur. Où sont à présent tes brocards? Tes gambades? Des chansons, des plaisantes saillies qui mettaient chaque fois toute la table en joie. Il ne t'en reste donc pas une maintenant pour te moquer de ta propre grimace. Allons, va maintenant dans le boudoir de madame et dis-lui qu'elle a beau mettre du rouge, elle aura un jour ce minois. Fais-la rire avec ça. Je t'en prie, Horatio, dis-moi. Oui, monseigneur. Penses-tu qu'Alexandre avait cette mine-là dans sa tombe? Mais oui. Et qu'il pût être ainsi? Toi! Mais silence, voici le roi qui vient. La reine, la cour. Qui donc suivent-ils avec cette cérémonie incomplète? Quelqu'un de qualité, viens, cachons-nous. Regardons, écoutons. Quelle cérémonie reste-t-il à accomplir? C'est l'air d'un très noble garçon, regarde-le. Quelle cérémonie? Nous avons donné à ses obsèques toute l'ampleur qu'on pouvait leur donner. Sa mort était suspecte. Et sans l'ordre venu de haut qui fit plier les règlements, on aurait dû la mettre en terre profane. Vous voyez qu'on a permis ses couronnes de jeune fille, ses fleurs de vierge sur le cercueil, et nous l'avons conduite à sa dernière demeure au son des cloches avec les rites funèbres. Quoi? Faudra-t-il s'en tenir à cela? Nous ne pouvons rien faire de plus. Ce serait profaner le service des morts si nous lui chantions le requiem comme pour les âmes qui sont parties en paix. Couchez-la dans la terre. et puisse de sa chair si belle et si pure jaillir des violettes. Je te le dis, prêtre Grottier, un ange serviteur de Dieu, voilà ce que sera ma sœur, pendant que tu hurleras en enfer. Voilà, la belle Ophélie. De douces fleurs sur cette fleur. Adieu. J'espérais te voir femme de mon Hamlet. Je croyais que j'aurais apparé ta couche nuptiale et non jeté des fleurs sur ta tombe. Oh, qu'un triple malheur tombe triplé 10 fois sur la tête maudite de celui qui t'a privé de la raison. Non ! Retenez cette terre, que je la serre encore une fois dans mes bras. Et maintenant, entassez cette poussière sur le vivant et sur la mort. Quel est celui dont la douleur clame si haut ? Dont la douleur attaque les planètes errantes et veut les arrêter comme témoins blessés de stupeur. Me voici ! Moi ! Hamlet, le Danois ! Que le diable ait ton âme ! Mauvaise prière, allons, ôte tes doigts de ma gorge ! Car quoi que je ne sois pas emporté ni furieux, il y a en moi quelque chose de dangereux qu'il est prudent de ne pas réveiller, lâche-moi ! Séparez-les ! Hamlet, Hamlet ! Messieurs, calmez-vous, mon cher seigneur ! Jamais, Ophélie ! Et 40 000 frères, avec tout leur amour, n'atteindraient pas au mien. Que ferais-tu pour elle ? Oh, la herte, il est fou ! Pour l'amour de Dieu, pardonne-lui ! Allons, montre-moi ce que tu pourrais faire. Veux-tu pleurer ? Veux-tu te battre ? Veux-tu jeûner ? Veux-tu te déchirer ? Boiras-tu du vinaigre ? Mangeras-tu du crocodile ? Je le ferai. Es-tu venu ici pour geindre ? Pour me narguer en sautant dans sa tombe ? Fais-toi enterrer vivant auprès d'elle, j'en ferai autant. Va, si tu fais le grand naufrage, je puis te déclamer aussi bien c'est que toi. C'est de la folie pure. Il retournera bientôt dans ses rêves. Écoutez-moi, monsieur, quelle est votre raison de me traiter ainsi ? Je vous ai toujours aimé. Mais peu importe. Hercule lui-même aurait beau faire, il faut que le chamiol et le chien aura son jour. Que ta patience puisse du courage dans nos propos d'hier soir. Oui. Cette tombe aura un monument de chair et d'os. Nous en serons bientôt à une heure de calme. Allons. Mon cher, dans mon cœur se livrait une sorte de bataille qui ne voulait pas me laisser dormir. Je sors de ma cabine, mon caban jeté sur les épaules, et dans la nuit, à tâtons, je cherche mes compagnons. Je réussis à les trouver. Je mets la main sur leur dépêche et je retourne à ma chambre. Là, ma crainte parlant plus haut que mon éducation, je m'enhardis jusqu'à briser le sceau de leur grande commission. Ce que j'y trouve, Horatio, mort royale scélératesse, c'est l'ordre formel qu'à première lecture du message et sans délai, sans même s'attarder à aiguiser la hache, on me tranche la tête. Est-ce possible ? Voici le pli, tu le liras quand tu auras le temps. Mais veux-tu maintenant savoir ce que je fis ? Certes, mon bon seigneur. J'écrivis à la place une adjuration instante du roi, puisque l'Angleterre était son fidèle vassal. Qu'au vu et au su du contenu des lettres, sans plus examiner la chose et sans délai, on fit mettre à mort les porteurs, sans même leur laisser le temps de se confesser. Ainsi, Rosencrantz et Guildenstern vont subir leur sort. Parfois, mon cher, ils ne pèsent point sur ma conscience. Leur désastre est venu de leurs propres intrigues. Mais quel roi est-ce là ? N'est-ce pas un crime de laisser ce chancre qui déshonore notre espèce continuer ainsi ses ravages ? Mais le roi d'Angleterre lui fera bientôt savoir le résultat de cette affaire. Oui, bientôt. Mais d'ici là, j'ai le temps d'agir et l'on tranche la vie d'un homme en un clin d'œil. Cependant, je suis très fâché, mon bon Horatio, de m'être oublié avec la herte. Car dans l'image de sa cause, j'y vois le portrait de la mienne. Je veux reconquérir ses bonnes grâces. Vraiment, c'est l'emphase de sa douleur qui m'a jeté dans cette frénésie. Silence, qui vient d'ici ? Votre seigneurie de retour en Danemark est la très bienvenue. Je vous remercie humblement, monsieur. Connais-tu cette punaise ? Non, mon bon seigneur. Qui n'en est que plus honorable, car c'est une tare de le connaître. C'est un étourneau, mais important par l'ampleur de ses terres. Cher seigneur, si votre seigneurie était de loisir, je vous ferais une communication de la part de sa majesté. Je l'écouterai, monsieur, avec toute diligence d'esprit. Employez votre bonnet à son véritable usage. Il est pour la fête. Je rends grâce à votre seigneurie. Il fait très chaud. Mais croyez-moi, il fait grand froid. Ce vent vient du nord. Il fait assez froid, monseigneur, c'est la vérité. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il fait une chaleur suffocante. Ou alors mon tempérament... Excessivement, monseigneur, il fait étouffant. Comme qui dirait, je ne puis dire à quel point. Mais, monseigneur, sa majesté m'a chargé de vous dire qu'elle a fait un gros pari sur vous. Monsieur, voici la chose. Je vous en prie, votre chapeau. Je n'en ferai rien, mon bon seigneur. Je suis mieux tête nue, sincèrement. Monsieur Laet est revenu récemment à la cour, croyez-moi. C'est un parfait gentilhomme, plein de talents excellents, de fort bonne compagnie, avec le plus grand air du monde. Vraiment, pour en parler comme il convient, il est l'almanach ou le calendrier de la noblesse. Car vous trouverez en lui toutes les régions des belles manières qu'un gentilhomme puisse désirer connaître. Monsieur, la délimitation que vous en faites ne diminue en rien sa surface. Votre seigneur, il parle de lui avec une merveilleuse exactitude. Mais la concernance de notre affaire, monsieur, pourquoi enveloppons-nous ce gentilhomme du souffle trop rude de nos paroles? Monsieur? Ah, vous ne comprenez plus ce langage quand c'est un autre qui le parle. Mais vous y arriverez, monsieur, certainement. À quoi tend la nomination que vous faites de ce gentilhomme? De Laert? Ah, sa bourse est déjà vide. Il a dépensé tous ses mots précieux. Oui, monsieur, de Laert! Je sais que vous n'ignorez rien. Je voudrais que vous disiez vrai, monsieur. Cependant, ma foi, ce ne serait pas pour moi un bien grand mérite. Mais passons. Je sais que vous n'ignorez pas combien Laert excelle aux armes. Car dont la réputation qu'elles lui ont acquise et pour le talent qu'il montre, il est absolument sans rival. Quelle est son arme? Rapière et dague. Ça fait deux armes, mais passons. Le roi, monsieur, a gagé contre lui 6 chevaux de barbarie. Contre cet enjeu, Laert a engagé, si je suis bien informé, 6 épées et 6 poignards français, avec leurs appartenances, telles que baudrier, attaché, tout ce qui s'ensuit. Oh, 3 de ces trains, ma foi, sont bien séduisants à l'imagination. Ils s'adaptent aux gardes d'une façon ravissante. Des trains vraiment délicats et d'une invention généreuse. Qu'appelez-vous des trains? Les trains, monsieur, sont les baudriers. Expression serait plus parente de l'idée si nous pouvions porter pendus aux côtés des canons. Jusque-là, j'aime autant dire baudrier. Continuons. Le roi, monsieur, a parié que en 12 reprises entre Laert et vous, il ne pourra vous battre par plus de 3 touches. Il a parié pour 12-9. Et l'épreuve aurait lieu tout à l'heure si votre seigneurie voulait donner la réplique. Et si je réplique? Non? Je veux dire, monseigneur, donner la réplique, l'épée à la main. Monsieur, je vais me promener ici dans la salle, qu'on apporte les fleurets. Si le gentilhomme y consent, et si le roi le désire toujours, je lui ferai gagner son pari si je le puis. Sinon, j'en serai pour ma courte honte, et j'aurai toujours les 3 points qu'il me rend. Rapporterai-je ainsi votre réponse? En ce sens, monsieur, avec tous les enjolivements de votre génie. Je me recommande à votre seigneurie. Serviteur, serviteur. Il fait bien de se recommander lui-même, car personne ne s'en chargerait pour lui. Monseigneur, vous perdrez ce pari. Je ne crois pas. Depuis son départ pour la France, je n'ai cessé de travailler. Je gagnerai grâce aux touches qu'il me rend. Mais tu ne saurais croire quel malaise m'entoure le cœur. Bah, ce n'est rien, c'est de l'enfantillage, une sorte de pressentiment qui effraierait peut-être une femme. Mais monseigneur, si votre esprit a quelque répugnance, écoutez-le. Je vais leur dire de ne pas descendre. Je prétexterai que vous n'êtes pas en forme. Pas du tout, je défie ce pressentiment. Il faut une permission spéciale de la Providence pour la chute d'un seul moineau. Si c'est pour maintenant, ce n'est pas pour demain. Si c'est pour demain, ce n'est pas pour maintenant. Et si ce n'est pas pour maintenant, il faudra bien y arriver plus tard. Le principal, c'est d'être prêt. Puisque nul ici-bas ne possède rien de ce qu'il quitte. Qu'est-ce donc de quitter plus tôt qu'on aurait cru? Laissons faire. Approchez, Laert. Approchez-vous, Hamlet. Et serrez cette main que je mets dans la vôtre. Pardonnez-moi, monsieur, je me suis mal conduit avec vous. Mais pardonnez-moi, vous êtes gentilhomme. Tous ceux qui sont ici le savent. Et vous l'avez certainement entendu dire, je souffre d'un cruel égarement. les actes qui ont pu froisser vos sentiments, votre honneur, votre susceptibilité, je proclame ici que c'était les actes d'un fou. Était-ce Hamlet qui outrage Alerte? Non, jamais ce ne fut Hamlet. Hamlet, c'est l'une des victimes, et sa folie est l'ennemi du pauvre Hamlet. Monsieur, en présence de cette assemblée, que mon désaveu de toute offense volontaire me disculpe devant votre générosité. J'ai lancé ma flèche par-dessus la maison et j'ai blessé mon frère. Mon cœur, qui devrait me pousser âprement à la vengeance, est satisfait. Mais mon honneur reste à l'écart et refuse la paix, jusqu'à ce qu'un jury d'honneur, s'appuyant sur les précédents, reconnaisse que mon nom est sans tache. Jusque-là, j'accepte l'amitié que vous m'offrez. Je la crois sincère et ne la blesserai pas. J'y souscris de tout cœur. Et je vais faire loyalement cet assaut fraternel. On apporte les fleurets. Je suis une cible pour vous, Laerte. Et sur ma maladresse, comme une étoile sur la sombre nuit, votre talent va resplendir. Vous vous moquez, seigneur? Non, par cette main. Donnez les fleurets, je n'oserai. Cousin Hamlet, vous connaissez la gageure. Parfaitement, monseigneur, votre grâce a donné l'avantage du côté le plus faible. Je ne crains pas de perdre, je vous ai vu tirer tous les deux. Mais comme il a fait de gros progrès, on vous rend des points. Celui-ci est trop lourd, montrez-moi un autre. Celui-ci me bat! Les fleurets sont-ils tous de même longueur? Oui, monseigneur. Si Hamlet touche le premier ou le second, ou s'il place sa riposte à la troisième passe, que tous nos créneaux fassent feu de leurs pièces. Alors le roi poira au souffle de Hamlet, et il jettera dans la coupe une perle plus riche qu'on emporta la couronne de Danemark sur la tête de quatre rois. Et maintenant que le tambour réveille la trompette, que la trompette parle aux canonniers des créneaux, les canons au ciel, et que le ciel répète à la terre, en ce moment, le roi à Hamlet. Allons commencer. Et vous, juges, ouvrez les yeux. En garde, monsieur. À vous, monseigneur. Hop, touché. Non. Et juge. Une touche très nette. Bien, reprenons. Arrêtez. Hamlet, cette perle est à toi. Donnez-lui la coupe. À ta santé. Après cette reprise. Allez! Touché, vous le reconnaissez? Touché, je reconnais. Notre fils doit gagner. Il n'est pas entraîné, il manque de souffle. Tiens, Hamlet, prends mon voile pour essuyer ton front. La reine voit ta chance, Hamlet. Merci, madame. Gertrude, ne buvez pas! J'ai soif, monseigneur, je vous en prie, permettez. Je n'ose boire encore, madame, tout à l'heure. Je vais le toucher, seigneur. Et pourtant, c'est contre ma conscience. Allons, l'air, troisième reprise, vous ne direz pas sérieusement, je vous en prie, tirez de toutes vos forces. Je crains que vous me traitiez comme un enfant. Vraiment? Allons. Ah, rien, ni d'un côté, ni d'un autre. À vous maintenant! Séparez la haine, perdre son froid! Non, pas, non, pas! La reine! Regardez la reine! Que s'est-il passé, l'air? Seigne tous les deux, que s'est-il passé, mon cher seigneur? Comme un oiseau pris à mon propre piège, je suis tué, Osric, et c'est justice par ma propre traîtrise. Qu'y arrive-t-il à la reine? Elle s'évanouit, elle a vu du sang. Non. Le vin. Oh, mon âme, la chérie! C'est le vin! Je suis empoisonné! Oh la trahison, où est-ce, Sonera? Le voici, Hamlet! Hamlet, tu es mort! L'arme perfide, tu l'as dans la main, démouchetée, empoisonnée! C'est le roi! C'est le roi qui est coupable! Le poing aussi était empoisonné. Alors, poison, fais ton honneur! Tiens, assassin! Scélérat, suis ma mère! Il est justement puni. Hamlet, pardonne-moi comme je te pardonne. Que ma mort et la mort de mon père ne retombent pas sur toi, ni la tienne sur moi. Que le ciel t'en tienne quitte, je te suis. Oh, triste reine, adieu. Et vous, qui pâlissez, qui tremblez à la vue de ce malheur, qui n'êtes que des spectateurs ou des auditeurs du drame, si j'avais le temps, mais cet huissier tragique, la mort n'attend pas pour nous saisir. Oh, je pourrais vous dire, mais laissons cela. Horatio, je meurs. Rends compte de mes actes et de ma vie et de ma cause à tous ceux qui pourraient douter. N'y comptez point. Je suis un antique romain plutôt qu'un danois. Il reste du vin dans cette coupe. Tu es un homme. Donne-moi cette coupe. Lâche-la, par le ciel, je l'aurai. Oh, mon cher Horatio, quel nom blessé vivra derrière moi si l'on ne sait pas la vérité? Si jamais je fus cher à ton cœur, prive-toi quelque temps encore de la félicité céleste et respire encore dans les souffrances de ce monde cruel pour dire mon histoire. Quel est ce bruit? Le jeune Fortinbras, vainqueur de la Pologne, tire cette salve en l'honneur des ambassadeurs d'Angleterre. Oh, je meurs, Horatio. La force du poison triomphe de mes esprits. Je ne vivrai pas assez pour avoir des nouvelles d'Angleterre, mais je sais à l'avance que le choix tombera sur Fortinbras. Il a ma voix de mourant. Dis-lui et apprends-lui tous les malheurs, petits et grands, qui nous ont amenés là. Le reste est silence. Un noble cœur se rompt. Bonne nuit, mon doux prince. Et que le vol des anges te suive en chantant jusqu'à ton repos. Pourquoi le tambour vient-il ici? Que voulez-vous voir? Si c'est deuil ou terreur, ne cherchez plus! Cette curée révèle un massacre! Ô mort orgueilleuse! Quelle fête solennelle prépares-tu dans ton antre éternel pour avoir abattu dans le sang tant de princes d'un coup? L'ennemi est atroce. Le rapport d'Angleterre arrive trop tard. Rosencrantz et Guildenstern sont morts. Qui nous remerciera? Pas lui. Même si vivant il le pouvait encore, il n'a jamais ordonné leur mort. Mais puisque si exactement à l'heure de ce drame sanglant vous arrivez, l'un des guerres de Pologne, l'autre d'Angleterre. Ordonnez que ces corps soient exposés sur un haut catafalque. Et laissez-moi dire au monde qui ne sait pas encore comment toutes ces choses sont arrivées. Vous entendrez le récit d'actes charnels, sanglants et contre nature, de jugements accidentels, de meurtres involontaires, de morts infligé par la ruse ou imposé par les circonstances, et en fin de compte de plans mal combinés qui retombèrent sur la tête de leurs inventeurs. Tout ceci, je puis le raconter fidèlement. Hâtons-nous de l'écouter, et devant l'assemblée des plus nobles. Pour moi, c'est avec douleur que j'accueille ma fortune. J'ai quelques droits sur ce royaume que je ne puis oublier. L'événement m'invite à les proclamer. Que quatre capitaines portent Hamlet comme un soldat sur un lit de parade. Car sans doute, s'il avait régné, il eût montré ses qualités royales. Et qu'à son passage, la musique des soldats et les chants de la guerre résonnent en son honneur. Allez, commandez les salves! Oh, Mesdames, messieurs, la radiodiffusion télévision française vient de vous présenter par transmission différée le 3e Festival d'art dramatique d'Angers sous la direction de Jean Marchat, sociétaire de la Comédie française. Vous avez pu écouter diffuser dans l'enceinte du château du roi René à Angers, Hamlet de William Shakespeare, traduction de Marcel Pagnol de l'Académie française, musique de Louis Bessières. Cet ouvrage vous a été donné avec le concours de Serge Reggiani, Louis Herbessier, Charles Nissard, Roger Pigot, Jean Vinci, avec mesdames Dominique Blanchard et Lucienne Lemarchand. Mise en scène de Serge Reggiani. Nous vous rappelons qu'au début, vous avez entendu la présentation de notre transmission de Charles Houlmont. Cette transmission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 juin 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.